Et nous, on va faire une expérience en direct, virer 8 personnes du studio et en installer peut-être autant pour l'émission suivante. Le tout en, alors si j'ai bien vu, le générique pour lancer Bulle de rêve est de 2 minutes 05. Bonjour à tous, bienvenue donc toujours sur Radio Libertaire. Et on a réussi, Nicolas, tu vois, 8 personnes, seulement 4 aujourd'hui pour rentrer à Bulle de Rêve. C'est la rentrée et une rentrée, alors un petit peu particulière, faut pas exagérer encore une fois, pas une grande révolution, mais allez, on va changer un petit peu. Ça fait maintenant plusieurs années que j'anime cette émission, Bulle de Rêve, l'émission 100% cinéma d'animation, uniquement bien sûr sur Radio Libertaire. Eh bien, l'idée est d'un peu de changer la formule. Encore une fois, rien de révolutionnaire, mais l'idée de proposer en fait à un invité de venir, de lui proposer un questionnaire et d'aller un petit peu plus loin sur ses goûts. Voilà, culturel, et puis on va voir un petit peu plus, on va élargir un petit peu tout ça. Et voilà, pour tenter de renouveler un petit peu la chose. Et je suis absolument ravi de recevoir mon premier invité. Je vais vous le présenter juste après. En deuxième heure, normalement, c'est l'actualité. On fera un point sur une actualité, sur un sujet, quelque chose. Mais là, j'ai demandé à deux personnes que vous connaissez absolument par cœur à Bulle de Rêve de venir elles-mêmes faire ce petit questionnaire pour les connaître un peu mieux. Ça fait des années qu'elles jugent, qu'elles critiquent, qu'elles dissèquent un peu le monde de l'animation. Donc je me suis dit, tiens, c'est pas mal de leur demander qu'on en sache un petit peu plus sur leur goût et en savoir un petit peu plus sur elles. Pas d'édito aujourd'hui, on va aller un petit peu plus vite. Mais je vais quand même vous présenter mes invités. Quand vous êtes avec le premier invité dans la rue, vous n'existez plus, c'est pas grave, hein. Mais c'est le genre de personne qui a un peu tout pour lui. Il est beau, il est grand, il bouge de manière absolument incroyable, ce qui fait que hier je me promenais avec lui, j'étais là et je me disais, hey, j'existe. Alors non seulement ça, et en plus il est talentueux, il a plein de talents dans différents domaines. Alors vous allez me dire, dès son film de fin d'études, il obtient un prix à Hiroshima, qui est l'un des plus gros festivals du cinéma du monde de l'animation. Puis ensuite, il est produit par Folimage. Ensuite, Folimage, donc studio emblématique du monde de l'animation. Ensuite, Kazakh, qui est l'année, c'est studio nouveau dans l'animation en tout cas, mais qui cartonne. Alors évidemment, vous allez dire pourquoi l'inviter, puisqu'il a tous les talents, mais il faut pas se laisser aller à ça. Et tant pis, c'est pas grave, il a tous les talents, donc je l'invite. Non, je suis vraiment ravi. Merci beaucoup, Jean-Charles Mbotimalolo, d'être présent aujourd'hui. Merci, Jean-Charles. Merci à toi, merci beaucoup de me recevoir. Donc avec nous, on va passer une heure, on va parler de plein de choses, ça va être trop juste, une heure tellement il y a des choses à dire. Vous le connaissez peut-être, et j'espère, pour Le Sens du Toucher, qui est le film qui l'a fait connaître, on va dire, par un plus grand nombre. Je vous conseille son film de fin d'études, qui est absolument incroyable, et on va parler de son nouveau film aussi. Jean-Charles sera la star, et je vous en parlerai un tout petit peu, l'une des stars du PIAF, le festival, j'ai la chance de sélectionner, puisque son dernier film sera en sélection. il sera en jury et en plus, il nous parlera de son film lors d'une table ronde mise en place par le CNC. Et donc, bien sûr, les deux personnes... Le silence que vous venez d'entendre est un silence de Francis Gavel. Donc les deux personnes évidemment importantes que vous connaissez par cœur, c'est Francis, bonjour Francis. Bonsoir Alexis. Et Nicolas Thys, bonsoir. Bonjour, bonsoir Nicolas. Bonjour. Comme on veut, bonjour. Qui vont répondre au questionnaire, évidemment ils auront aussi la possibilité s'ils veulent de parler avec Jean-Charles. Alors ce questionnaire... Vous allez le voir, je me suis dit, on va commencer par une musique quand même juste pour démarrer. D'abord... Le générique de début, on doit à Johan Johansson, trop tôt décédé, musicien important et qui a notamment fait toutes les musiques des films de Denis Villeneuve, en tout cas beaucoup de musique de Denis Villeneuve. Ça, c'était du film The Arrival. Et j'avoue, j'ai vu le film, j'aime bien le film, mais j'ai redécouvert, il y a juste, c'est la chance des, vous savez, de tous ces, pas logiciels, mais tous ces sites où vous abonnez, etc. Je dirais pas le nom, on s'en fout. Mais d'un seul coup, on vous propose des musiques un peu aléatoires selon vos goûts. Et j'écoute beaucoup de musique de film. Et je suis retombé sur cette musique qui est juste absolument incroyable. Je trouve qu'elle apporte une force au film. Voilà, d'une. Ouais, ben, je sais même pas quoi dire de plus que le mot force, dans le sens où ça ramène à cette espèce d'inconnu qui est en face. Et je trouve que la musique est très très belle à écouter. Ça sera la musique d'intro et la musique de sortie de Bulle de Rêve, si on a le temps, comme d'habitude. Et je me suis dit, allez, Alexis, après tout, t'es pas sympa parce que le questionnaire il est dur. Toi, tu vas aussi, et oui, il n'y a aucune raison, tu vas aussi faire le questionnaire, en tout cas pour la musique, puisque je demande à un moment donné une musique importante pour mes invités, une musique qui les représente. Alors je me suis dit, j'ai commencé, j'ai pris mes dossiers, j'ai des dossiers très, très classés chez moi, etc. Donc j'ai regardé, j'ai commencé avec, en A, je sais plus ce que c'est, il y a BO, il doit y avoir bande originale de film, etc. Donc j'ai commencé Twin Peaks. Puis après j'ai commencé à descendre, puis je me suis dit, mais c'est n'importe quoi en fait. C'est trop difficile comme exercice, donc j'ai abandonné. Ouais. Je me dis qu'après tout, mes invités, vous auriez pu avoir Smell Like Teen Spirit de Nirvana, Twin Peaks, bien évidemment. You Can Bring Me Down de Suicidal Tendencies, c'est mon côté métal, hein, je peux pas m'en passer. J'ai failli passer Bruxelles de Dick Engar, bien sûr. L'institutrice toujours de Dick Engar, Toulouse de Nogaro, sûrement la des choses les plus importantes pour moi, ou California Dreaming des Mamas and Papas. Ou alors peut-être Cerise sur le gâteau, mais ça aurait pas plombé l'ambiance. Thank You for Everything, qui est un morceau d'Isaichi, la fin d'Anabi, absolument sublime. Puis après, je me suis dit, non, je vais prendre quelque chose qui est en rapport avec mon invité. En tout cas, un côté un peu plus militant, on va le voir, notamment dans son dernier film. Donc, je me suis dit, tiens, je vais passer Michel Ngocello. Mais pareil, tous les musiques de Michel Ngocello que j'aime bien sont un peu plombantes, c'est pas les plus rythmées. Donc, je me suis dit, non, je vais quand même pas plomber tout ça. Je me suis dit, tiens, Henri Chasse. Cubano-français que je trouvais intéressant. Puis finalement, je me suis dit, non, je vais mettre Flobots. Flobots, c'est un groupe de rap avec un morceau qui s'appelle Anne Braden et qui est un morceau, en fait, qui est... Anne Braden, c'est une militante blanche qui a défendu la cause noire à un moment donné qui était compliquée. Elle était du Sud. Femme blanche, enfin, elle avait tout, évidemment, contre elle. Donc, elle était détestée par tous les autres... blanc, enfin, en tout cas, beaucoup de gens du Sud. Dans l'époque, je me suis dit, non, Alexis, arrête, on va en parler, il va voir, prends autre chose, prends quelqu'un qui peut-être, je sais pas s'il est dans la lignée du chanteur principal, vous le verrez tout à l'heure, on en parlera du dernier film de Jean-Charles Mboti Malolo, mais je me suis dit, tiens, ce personnage-là, c'est quelqu'un qui t'a fait découvrir le funk. Sans que tu l'adores, la soul, mais il était aussi pop, il était aussi rock, il est mort il y a 2 ans. Allez, c'est plutôt pas mal de faire quelque chose. Et puis surtout, je trouvais que la musique, pour ce début d'entrée, ben, fonctionnait bien. On va écouter Let's Go Crazy de Prince pour qu'on soit tous un petit peu fous dès maintenant et pour surtout donner une impulsion directe à l'émission. Nicolas, on écoute donc le morceau, normalement, si j'ai pas trop mal fait mon boulot, numéro 2, qui s'appelle Let's Go Crazy. Et on revient juste après. À tout de suite. We are gathered here today to get through this thing called life. Electric word, life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun. Day or night. So when you call up that shrink in Beverly Hills, you know the one. Doctor, everything will be alright. Instead of asking how much of your time is left, ask him how much of your mind, baby. De rêve, Radio Libertaire, bien sûr, forcément, comme d'habitude depuis des années maintenant, je vous dis ça, mais où est-ce que vous voulez qu'on parle pendant deux heures de cinéma d'animation, à part sur Radio Libertaire, radio sans publicité, bien évidemment, et donc qui se permet justement aussi des combats, comme on va parler d'un cinéma dont on parle finalement peu. Ma première question à Jean-Charles Mbotimalolo, elle va être, c'est une question que j'ai envie de lui poser depuis tout le temps. Est-ce que la grotte de Chauvet, c'est très beau? J'étais pas prêt. Déjà, merci pour ton introduction avant de répondre à cette question. Ouais, la grotte de Chauvet, c'est assez incroyable. Alors, on va expliquer un peu pourquoi. C'est que tu as participé à quelque chose qui a été fait à Folimage, produit à Folimage, ouais. Et vous avez été quelques-uns à trier sur le volet à pouvoir rentrer dans la grotte de Chauvet pour pouvoir faire un petit film sur. Film d'une minute. C'était assez inattendu déjà de pouvoir y entrer, puisque il y a, enfin je saurais pas dire le nombre, mais il y a une liste de personnes qui peuvent y accéder, puisque contrairement à, je pense que c'est Lascaux qui a été complètement ravagé par les allées et venues de tous les touristes qui pouvaient entrer dans la vraie grotte. À Chauvet, ils ont plutôt fait l'inverse et proposé l'idée de construire une réplique qui a ouvert il y a peut-être 2 ans là déjà, je pense, un truc comme ça. Et de conserver la vraie grotte avec une porte blindée qui fait, je sais pas, une quarantaine de centimètres d'épaisseur, qui est un tout petit cube, de 1 mètre, tu dois vraiment te pencher pour entrer dedans à 4 pattes et tout ça. Et c'était un moment vraiment magique. Je pense qu'on était plusieurs à être assez à faune à la sortie de la grotte pendant une semaine. Pour de vrai, c'était assez fou comme aventure. Parce que, enfin, tu vois, en ayant eu des cours de culture artistique, l'histoire de la peinture, etc., où on nous explique que finalement, l'arrivée de la perspective, de la maîtrise du dessin, de comment on peut représenter le réel, la nature morte, etc., c'est quelque chose qui arrive très tard finalement dans l'histoire de l'homme. Et ben, quand tu vois les premiers dessins des premiers hommes, a priori, ce qu'on a découvert aujourd'hui, tu te rends compte que tu peux quasiment pas remettre à plat, mais tu peux vraiment remettre en question la perspective qu'on a eue dans ces cours de culture artistique en particulier, parce que tu vois tout simplement que la perspective existe déjà, le mouvement existe, il y a quasiment des trucs qui sont animés avec des animaux qui ont déjà plusieurs paires de pattes pour montrer la course, enfin tout est dessiné en volume quasiment, il y a le volume de la pierre qui sert de support pour avec une seule ligne Il y a déjà un volume dans la pierre qui dessine un animal et on va souligner juste une corne ou un dos pour. Enfin, c'est assez incroyable. Et puis j'ai l'impression, alors surtout pour quelqu'un comme toi, peut-être Pierre-Luc Grandjean, mais il y en a finalement peu, qu'en fait, ça relie énormément votre cinéma, puisque tu vas beaucoup parler de filiation, de passage en tout cas, et j'imagine que d'un seul coup de rentrer là où des gens étaient il y a des milliers d'années et ont fait le même travail quasiment que soi, enfin pas quasiment que soi, c'est ça. Ça doit être quelque chose, et d'ailleurs ton film Waves que t'as tiré parle un peu de ça, justement, de ce que tu dis, de sortir de là et submerger. Bah, c'était assez étrange parce que finalement tout ce projet de porté par Folimage, il fallait le faire comme on le fait dans le cinéma en France, à savoir faire des dossiers, ensuite avoir des financements, donc il faut avoir une idée, un synopsis, et du coup il fallait se projeter de ce que pouvait être un film qui parle d'une grotte qu'on n'a jamais visitée. Et je suis rentré dans la grotte après et je me suis rendu compte un peu avec chance, entre guillemets, que mon intuition avait été la bonne, finalement, et que de me dire... pour ceux qui n'auraient pas vu le film, il est en ligne, je pense, d'ailleurs, sur le site d'Arte Créative ou un truc comme ça. Ce que je me suis dit et ce que je me suis imaginé, c'est que si on avait la capacité d'être confronté à ce genre de dessin de manière tout à fait par hasard, hein, comme l'ont été les premiers spéléologues qui sont descendus, qui ont senti ce petit courant d'air entre deux cailloux, machin, bref. Je pense qu'on ferait un espèce de retour en arrière et que, un peu, donc, exactement le mot que tu utilises, une filiation comme ça est quelque chose qui marcherait avec nous, en fait, jusqu'à la fin de notre vie, entre guillemets. C'était un peu ce que je m'étais écrit et je l'ai vécu exactement comme ça en y rentrant, mais j'étais pas du tout conscient de l'émotion que j'allais pouvoir recevoir, en fait. Surtout quand c'est des trucs qui nous sont un peu, entre guillemets, pardon, survendus. Pas qu'une grotte soit survendue, mais si tu veux, y a toujours des... Tu vois, genre, il faut aller voir telle cascade ou tel canyon, voilà, il y a des choses importantes à voir avec lesquelles on va pas forcément connecter parce que c'est quelque chose qu'on a vu en image avant, etc. Et là, j'appréhendais, je me disais, bon, est-ce que effectivement c'est fou? Mais c'était un moment incroyable. Il y avait plus du tout de temps, il y avait pas de bruit puisque t'es dans une grotte, le sol est nappé. Je sais pas, à tous les pas, il y a un tout petit chemin qui est fait avec une espèce de grille comme ça de 20 cm de laquelle tu peux tomber finalement, mais il y a pas de vide, elle est surélevée de, je sais pas, de 10 cm. Et t'as, toute l'ambiance fait que t'es hyper précautionneux, tu veux pas enlever finalement un patrimoine qui a été conservé intact. T'as des squelettes par terre. T'as des os, t'as des insectes, enfin il y a toute la vie en fait à laquelle on n'a pas du tout eu accès, et on est aujourd'hui dans un monde qui est tellement en décalage avec celui dans lequel il pouvait vivre. Ça, c'est encore des projections parce qu'on ne sait pas vraiment. Il y a plein de chercheurs qui vont se dire que en fait c'était aussi peut-être un rite initiatique d'aller peindre très très loin dans une grotte, laisser une marque, mais personne n'est vraiment sûr à 100% de savoir ce qui pouvait se dire à travers ces dessins. Et tout ce que tu fais toi en tant qu'être humain d'aujourd'hui, finalement, c'est de reconnecter avec quelqu'un. Enfin, moi j'ai fait beaucoup de graffiti quand j'étais plus jeune, et c'est un peu le même truc. Si tu montes sur un toit la nuit et que tu manques de tomber peut-être à chaque pas, là t'as un peu le même risque, entre guillemets, parce que c'est une grotte qui n'est pas éclairée, qui est habitée par des ours, qui sont pas les ours qu'on a aujourd'hui dans les parcs, etc., etc. Enfin, il y a quelque chose comme ça de très très fort, et c'était bouleversant. Moi, j'ai pas pu, tu vois, je t'en parle là, il y a peut-être, je sais pas, un millième de ce que j'ai pu ressentir. On m'a dit, mais vas-y, raconte-moi la grotte et tout. mais qu'est-ce, je pouvais rien dire du tout. C'était impossible d'en parler, quoi. C'est juste quelque chose. Et c'est pour ça, du coup, j'ai poussé un peu l'idée dans le film, mais c'est vraiment quelque chose qui reste avec toi et qui te fait te dire, mais en fait, on est aujourd'hui les mêmes personnes avec les mêmes envies, c'est-à-dire, vous le savez, mais peut-être que certaines personnes qui nous écoutent s'en rendent pas vraiment compte, mais où on va passer toute notre vie à faire des dessins sur des feuilles, 8 heures par jour pendant 20 ans ou plus, tu vois. Et il y a très peu de gens qui arrivent à comprendre pourquoi on devrait faire ça, en fait. Et je sais pas s'il y a des réponses, c'est juste qu'on le fait. et se rendre compte que ben à cette époque-là d'autres personnes pouvaient le faire, parce que là il y a une vraie maîtrise quoi, il y a une pratique du dessin, c'est pas quelque chose tu vois, on parle des arts primaires ou des enfin etc. Là on se rend compte qu'il y a rien de primaire du tout, il y a juste une maîtrise qui est incroyable, et la Renaissance c'est bien, mais bon, je pense qu'il y avait des maîtres bien avant. On pourrait reparler évidemment de tout ce qui est histoire de l'art et comment elle était créée. Ouais. Je vais revenir à quelque chose qui est peut-être plus, les gens ne savent pas forcément d'ailleurs. J'allais dire ceux qui te connaissent peut-être un petit peu. Tu fais de la danse aussi, on le dit maintenant, ouais. Voilà comme ça. C'est quoi qui est venu en premier ? T'as dansé d'abord ou dessiné en premier ? Tu te rappelles ? Je pense que c'est pas venu en fait. Ouais. Tu vois, je vais faire une réponse un peu détournée, mais on me demande souvent de choisir. Est-ce que, à un moment donné, il va falloir que tu te décides entre la danse et le dessin. Et je pense que c'est un peu l'inverse qui se passe. Il n'y a pas de décision consciente de ce qu'on aime ou de ce qu'on fait. Ce serait trop facile, en fait. Je pense que j'ai pas choisi ou j'ai pas commencé la danse. Je pense que c'est l'inverse, si tu veux. À un moment donné, les choses que t'aimes viennent à toi, et c'est pas toi qui vas chercher les choses que t'aimes. Enfin, je crois. Sauf qu'il faut les embraser, assez forte pour que ça en vienne. Effectivement, il faut juste assumer ça et l'admettre. C'est-à-dire que des fois, tu vis dans des endroits ou dans des milieux qui sont pas forcément favorables à développer quelconque activité finalement. Et soit t'as cette possibilité où t'es poussé par ta famille ou tes amis, etc. Soit tu le fais parce que c'est à contre-courant, soit tu le fais parce que t'as pas le choix. Et je pense que c'était un peu tout ça. Moi, j'ai commencé à danser, je pense, dans le salon, tu vois, devant les clips, devant la télé, Michael Jackson, James Brown et tout ça. Et il y avait pas de choix, c'était juste... je vais même pas parler de besoin, parce que quand t'as 5 ans ou 4 ans et que tu danses, c'est quelque chose d'intuitif en fait. Tu le fais parce que ça te plaît, et encore une fois, tu choisis pas ce qui te plaît ou ce qui te plaît pas. Je me suis pas dit tiens, la danse ça a l'air cool et tout, je vais essayer. Je pense que tu t'es un peu il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur avant toi en fait. Je suis d'accord. Mais encore une fois, il y a aussi un moment donné, ça c'est le début. Il y a un moment donné quand même où on se dit tiens, où je vais prendre des cours, où je vais passer plus de temps, j'ai passé 2-3 heures tous les jours. Ouais. À faire des croquis, à m'entraîner pour la danse. Il y a un moment donné où on se dit bon ben ça, c'est pas juste, c'est pas venu à moi seulement. Il faut que j'aille aussi vers justement cette discipline ou ce métier. Enfin voilà, vers ça. Mais ça c'est super étrange parce que je crois. Alors on va diviser pour la danse. Je me suis rendu compte que j'ai commencé à m'entraîner en danse, pas pour les mauvaises raisons, mais bon, j'ai toujours été quelqu'un de super timide, c'est quelque chose qui restera, et maintenant je l'assume un petit peu plus. Mais en tout cas, à cette époque-là, j'ai découvert le breakdance, je pense que c'était... j'ai toujours dansé, je dansais sans vraiment savoir ce que c'était. Et puis en 98, il y avait une émission, je faisais du skate à cette époque-là, et je regardais un truc des jumeaux Noël, sport-événement, sur la télé avait une place assez majeure dans les années 90 chez moi en tout cas. Et donc sport-événement, ils faisaient des documentaires sur la culture urbaine, et donc il y a eu un truc sur Battle of the Year qui était la compétition, le rassemblement de toutes les disciplines de danse urbaine. Et j'ai vu ça et je me suis dit mais enfin c'est ma vie maintenant, ça va être ça quoi. Et j'ai commencé à m'entraîner entre guillemets sans vraiment savoir ce que je faisais. J'avais des infos visuelles comme ça d'une émission que j'arrivais à choper par-ci par-là, et puis je pense que j'ai rencontré des gens dans mon collège de l'époque qui étaient une année en dessous de moi qui eux dansaient aussi. Et donc j'ai commencé à les draguer un peu, à me dire ah, putain, vous voulez pas être mes copains vite fait là pour comme ça on pourrait échanger des trucs. Mais c'est vrai que c'était pas ça s'est fait assez naturellement. Et puis petit à petit on a évolué ensemble, on a compris plus de choses, on a eu plus d'informations, on s'est un peu ouvert. Là où je vivais à cette époque, je pense que nous on découvrait le break comme Paris pouvait l'avoir découvert 10 ans avant. Je pense il y avait vraiment entre 5 et 10 ans de décalage en termes d'informations qu'on pouvait recevoir. Donc c'était intéressant. Il n'y avait pas de YouTube à l'époque. Nous, on allait s'entraîner avec des cartons, tu vois, genre dans l'herbe et tout. C'était hyper, c'était, ouais, c'était hyper roots, mais c'est un peu un fantasme, tu vois, de bah, finalement, de l'Amérique, de Brooklyn ou de la West Coast. Mais bon, on pourrait en revenir après, mais y revenir après, mais. Voilà pour le pour la partie danse et pour la partie dessin c'était vraiment en parallèle parce que j'ai toujours été un peu en marge et à tu vois avoir des moments où j'avais besoin de me retrouver un peu tout seul où je faisais des maquettes tu vois des trucs miniatures pour offrir à ma mère ou à la fille dont j'étais amoureux quand j'étais petit. Les mes potes se sont pas mal moqués de ça d'ailleurs. Je faisais n'importe quoi mais bon. Et voilà, il y avait comme ça un espèce de truc manuel dont j'étais vachement conscient. J'avais pas du tout la conscience du fait qu'on pouvait faire un métier de la danse, mais par contre, je savais très tôt quand j'étais petit, j'avais trois métiers phares entre guillemets. C'était soit inventer des jouets pour enfants, soit faire de l'illustration, je pense, et peut-être le troisième, ça devait être pompier, un peu comme tout le monde, tu vois, genre truc qui n'avait rien à voir, mais bon. Et ouais, ça, j'étais quand même assez conscient que je voulais faire un truc de mes mains, quoi. Et par la suite, je pense que, je sais pas, vers 10 ans, peut-être, j'ai dû voir une émission à la télé qui parlait des gobelins, je pense. Ouais. Et là, j'ai vu des line tests, de l'anime au crayon bouger, et je me suis dit, ça. Et de la même manière que j'ai pu me dire dans les années 80, ouais, 98, genre la danse hip-hop, ça, c'est un truc que je veux. Et pareil, l'anime, je me suis dit, ça, c'est ce que je veux. Mais je me rends compte aujourd'hui, en regardant en arrière, je sais pas d'où ça vient, mais j'ai un caractère hyper bizarre. C'est-à-dire que quand j'ai su que je voulais faire de l'anime, je l'ai vraiment su, c'était un fait, il y avait rien à remettre en question de ça. Je me suis plutôt dit, ah, je vais faire ça. Ok, c'est bon, on peut retourner jouer au foot, on peut. Et c'est arrivé dans ma tête très fort et c'est toujours resté là, mais je me suis pas. Je me suis pas dit, tiens, je vais aller m'intéresser à l'anime, je vais aller commencer à faire de l'anime, ou je savais que j'allais faire ça, mais ça viendrait, voilà, à un moment donné, quand je serais prêt, éventuellement, j'en sais rien, mais je me suis jamais, j'ai jamais creusé, bizarrement. Juste pour ceux, parce que j'ai refait attention, je l'avais pas fait pendant un bout de temps, ceux qui veulent découvrir aussi l'univers un petit peu de Jean-Charles, vous pouvez regarder sur The Web Anime, j'ai fait une petite news et vous avez des liens, vous pouvez le voir aussi bien, aussi bien ses films que danser, puisque sur son YouTube notamment, vous avez quelques vidéos où il danse, donc vous pouvez voir justement les deux. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est une contradiction ou est-ce que c'est une nécessité? Je pensais le mouvement du danseur et l'immobilité finalement de l'animateur, c'est-à-dire qu'un animateur, hein, il bouge pas. Toi, t'as... Ouais, ça c'est une tension dont t'as besoin, enfin en tout cas, j'aime pas le mot équilibre, mais en tout cas, dont t'as besoin aujourd'hui. Comme tu dis, l'un pourrait pas se faire sans l'autre, quand on te demande l'un des deux, tu dis bah non, c'est une évidence que les deux sont nourrissent, ouais. Je crois que aujourd'hui, quand je réfléchis, je me dis que je peux pas, tu vois, on discutait beaucoup hier de ça, savoir si effectivement j'avais mis plus d'investissement dans la danse ou plus d'investissement dans le dessin. Je pense qu'il y a un équilibre, ça c'est sûr, mais aussi parce que j'ai pas vraiment plus investi dans l'autre, enfin dans l'un ou dans l'autre. Et du coup, tu vois, là je suis au milieu de vous, les critiques de l'anime, c'est pas une position super évidente dans le sens où j'ai vraiment le cul entre deux chaises, et du coup j'ai pas la culture de l'anime, mais quand je suis dans un milieu de danse, je ressens exactement la même chose, c'est-à-dire que on va pouvoir me poser la question de mais toi, ton truc c'est plutôt l'anime en fait. Mais quand je suis dans l'anime, mon truc c'est plutôt le dessin. Bon, mais en fait, il y a vraiment... Je sais pas si ça vient du fait de devoir compenser le mec assis à bosser sur papier ou sur Cintiq et de devoir se lever après. Je sais pas. Je vais aller plus loin dans ma question. En fait, musique, l'immobilité. J'ai l'impression que quand je te vois, alors moi je suis pas bon danseur, je connais pas bien tout, mais quand je te vois danser, en effet, il y a beaucoup de finalement, t'es beaucoup sur place et tu vas beaucoup jouer justement sur le mouvement, mais sur place. Et par contre, ton cinéma joue beaucoup sur le mouvement. On va en parler. Il y a beaucoup, c'est assez étonnant, sauf le dernier, mais les mouvements sont souvent, il y a quasiment peu de mouvements de caméra. On est souvent en plan fixe. Ouais. Et par contre, il y a beaucoup de mouvements à l'intérieur du plan. Ouais. Donc j'ai l'impression que les deux, quand je parle de se nourrir, c'est pas uniquement toi hein, physiquement, mais c'est aussi les deux arts. Les deux créations, on va dire, se nourrissent l'un l'autre. Ouais. C'était mon impression. Ça c'est tout à fait juste. Et puis, alors pour aller plus loin, donc le style de danse que je fais s'appelle Popin. Il y a à l'intérieur de ça, si on doit donner un terme parapluie, on va dire que c'est le pop-in, mais c'est pas très juste ce que je dis, mais c'est plus pour faire un grand raccourci, et il y a des styles à l'intérieur. Le pop-in est un style, mais il y a un style en tout cas qui s'appelle animation, et qui vient de l'animation, claymation, Ray Harryhausen et tout ça. Et donc l'idée du mouvement des corps, c'est de contredire un mouvement logique pour aller vers un mouvement, créer une illusion de quelque chose d'illogique. Donc c'est pour ça que moi, c'est l'une des parties qui m'intéresse dans la danse, dans ce que je fais vivant, c'est l'animation. Et l'autre partie dans le papier, ce qui m'intéresse, c'est l'animation aussi. Donc il y a une espèce de truc qui se contredit, parce que quand tu fais de l'animation en danse, il y a vachement de contrôle, et c'est tout, les gestes sont très fermés, aspirés, cassés, pour justement donner cet effet de quelque chose de pas réel ou de surréaliste. Alors que dans le papier, ce qui devient intéressant, c'est de se jouer, entre guillemets, du poids, de la gravité et de tous les enjeux auxquels nous, on va être contraints dans la vraie vie. Et donc là, tu peux aller vers des mouvements, au contraire, qui vont être beaucoup plus amples, beaucoup plus fluides, je sais pas, mais en tout cas, trouver des raccourcis, trouver des vitesses, trouver des rythmes qui vont pas être faisables. Tu vois, donc j'ai l'impression que c'est la même chose, aller chercher l'impossible du côté du papier et aller chercher l'impossible du côté du corps. Il y a un peu un truc qui se retrouve là, même si les deux se contredisent au final. Non, je pense qu'il y a un vrai dépassement, comme, enfin, moi je pense, dans les films ça se voit en effet, de ce que le corps peut apporter. Dans ton film de fin d'études, oui. Il y a évidemment l'idée, d'un seul coup, il y a des déformations comme ça, ouais. Il n'y a plus d'anatomie. Ouais. Plus d'anatomie pour tenter. Alors, on va passer à une autre question justement par rapport à ça. Pour tenter d'exprimer des choses, finalement, c'est ça la problématique. Tu dis que tu étais timide, toujours un petit peu. Ouais. Et donc, le corps permet finalement de dire des choses que le langage ne permet pas. C'est un peu ce qu'on va voir dans les deux films, évidemment. Hein, ton film de fin d'études, donc avec un métronome, et Le sens du toucher. Ouais. Ouais, ouais, ouais, c'est exactement ça. Et un spectacle de danse qui s'appelle Les mots, que j'ai écrit, qui est un peu dans le prolongement du sens du toucher, du coup, mais qui apporte un regard, une perspective différente à la même problématique, ce dont tu parles, de savoir si le corps a quelque chose à dire, est-ce qu'il dit quelque chose différent des mots, en fait, au final. Je pense que dans Le sens du toucher, c'était oui, oui, oui. Maintenant, en grandissant... c'est juste qu'en évoluant, je pense que c'est plus complexe, et qu'au final, il y a des choses qui vont permettre d'être dites avec un geste, d'autres avec des mots, et que si t'as pas les gestes, ben tu vas trouver les mots, et si t'as pas les mots, tu peux trouver le geste, et les deux se... Encore une fois, c'est une question d'équilibre, ou en tout cas une question de support. Qu'est-ce qui peut te permettre de passer de l'un à l'autre? Ouais. Il y a aussi le rapport, il y a ces supports, il y a ces deux, c'est toujours, il y a cette idée de deux souvent, il n'y a quasiment pas que deux personnages, mais en tout cas, mon cœur est un métronome, il y a deux personnages, ouais. Fils et son père, Le sens du toucher aussi, et là dans le dernier, on peut considérer aussi, même s'il y a d'autres personnes, qu'il y a deux, et dans Les mots, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien un spectacle de deux aussi, danseurs. C'est un solo pour deux interprètes, hein, c'est ça. C'est ce que je n'ai pas compris, un solo c'est intéressant comme jeu sur les mots. Ouais, mais là, si je dis tout, ça va être un gros spoil pour le truc. Il faudrait le voir. Il vaut mieux le voir. Mais il y a toujours, en tout cas, ça, c'est le rapport à l'autre qui est important. C'est d'un seul coup la compréhension, et quelque part, plus que le rapport, la compréhension finalement de l'autre et de ce qu'on veut lui dire, de ce qu'il veut nous dire. Ouais. Je pense qu'il y a cette dualité qui fait que, soit tu es face à l'autre, mais l'autre te met aussi face à toi, et t'es toujours dans une dualité qui fait que. Si tu cherches à comprendre l'autre, essaye de te poser la question de savoir si déjà toi-même tu te comprends. Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais il y a des espèces de barrières comme ça à franchir ou en tout cas à admettre pour réussir à les contourner d'une certaine manière et avancer avec l'autre. Mais l'autre, ça peut être aussi soi. Je parle un peu comme Vandamme là. Je pense que c'est compréhensible. T'inquiète pas. Si je maîtrisais son accent, un peu le Vandamme de l'animation, c'est pas mal. Montre mon grand écart. Attention. Ouais, mais à la radio, c'est pas très. Non, j'y arrive pas de toute façon. On va faire. Juste un bien, je vous l'avais dit, une heure, malheureusement, Jean-Charles doit nous quitter vers 18h parce qu'il prend son train. Et c'est déjà génial qu'il soit là et tout. Donc, on va juste faire le questionnaire. Je t'avais demandé un morceau de musique. Tu m'avais dit au départ, donc, Je vais aller vite, hein, comme on the people. On reverra. On va revenir là-dessus parce que il y a une forte hein, vision dans ce que tu dis. Donc il y a cette idée de communauté, hein, notamment dans la chanson, dans le clip aussi. On le voit. Nas, If I Rule the World, The Roots, Cloak with No Hands. Un album. Je sais pas si vous avez choisi, vous, Nicolas et Francis, mais ça a été très dur, visiblement, pour Jean-Charles. C'est impossible, cette question, là. On a eu Red Charles, parce que c'est l'un des premiers albums que tu as eu. Je passe un peu vite, hein, je passerai, mais parce que je voudrais que tu nous parles un peu du morceau qu'on va entendre. Nina Simone, To Be Young, Gifted and Black, évidemment, superbe. Nas, It Was Written. Et tu m'avais dit à la fin, non, je vais choisir Oxmo Puccino, Opéra Puccino. Puis je t'ai dit, ben, faut que je passe un morceau et tu m'as dit ok, on efface tout et je prends Zap. Qu'est-ce que j'ai pris? Qu'est-ce que t'as pris? Zap and Roger, ouais. Donc All the Greatest Hits, et on va écouter le morceau I Can Make You Dance. Ouais, c'est ça, une évidence. C'était une. Pourquoi d'un seul coup ce morceau-là? Bah parce que déjà c'est dur comme question de choisir un album et un morceau. Bah comme tu l'as dit, de toute façon, ouais, c'est un peu. Moi, je suis rentré dans la musique par la musique noire de toute manière et la musique américaine a priori. Donc je pense que toute la liste c'est ça. Et Zap parce que c'était un peu un tournant dans ma vie où je te dis j'ai commencé à m'intéresser. Je suis rentré dans la danse par le breakdance, donc la danse au sol qui est plus gymnastique entre guillemets, pour me rendre compte que c'était la musique qui m'intéressait, en tout cas le lien avec la musique et la musicalité et tout ça, et que j'arrivais pas du tout à trouver dans la manière, enfin dont m'ont touché au sol. Pas parce que les breakers ne peuvent pas le faire, mais moi j'en étais pas capable à l'époque en tout cas, et je voyais que debout j'avais plus de facilité à atteindre ça, tu vois, avoir une écoute musicale plus intéressante. Et donc pour moi c'était le popping qui venait en deuxième, la robotique, voilà, tout ce dont j'ai parlé juste avant. Et cet album là, donc Zap and Roger, qui sont un peu tu vois, les deux musiciens qui ont bercé toute cette culture pop-locking, donc du bassin Bay Area et tout ça, West Coast des États-Unis. J'ai mis hyper longtemps pour avoir cet album. Non seulement parce que déjà à l'époque, j'avais pas la perspective du fait qu'on pouvait demander à ses parents d'aller acheter un album de Zik. Donc ça, c'était assez bizarre. Un peu comme j'ai dit par rapport au Gobelin ou par rapport à tout ce que je faisais. J'avais pas ce truc de me dire tiens, je vais aller. Donc voilà, je demandais à mes potes, est-ce que tu sais pas où je peux trouver ce truc? C'était, je pense que c'est l'époque Emule. Et moi, j'avais pas d'ordinateur, donc, je maîtrisais pas du tout ces trucs de téléchargement illégaux et tout. Et, il y a un de mes potes qui m'a dit, ouais, bah, je vais te le graver. Et puis, je pense qu'il a mis 2 ans avant de le faire. Khalid, si tu m'écoutes, merci. Et il me l'a mis dans ma boîte aux lettres. Je me rappelle, c'était un boîtier orange, transparent, et puis il m'avait écrit tous les morceaux, tout ça. Et c'était un peu genre le plus beau jour de ma vie, parce que je pouvais commencer à m'entraîner dans la discipline que je voulais. C'était cet album. Donc voilà, après avoir fait un peu toute la liste et tous ces morceaux qui arrivaient à des endroits un peu différents, là, je me suis dit, bon, c'est quand même un commencement, il faut que j'en parle. Voilà. Bon, alors on va écouter le morceau 4, donc, tu as compris, Nicolas, on passe le numéro 3, on reviendra dessus après. Vous levez tous et vous dansez tous, évidemment, chez vous. À tout de suite. Yeah. Voilà, Bulle de rêve. Évidemment, comme d'habitude, je vous dis tout. On parle, on n'écoute pas les morceaux, ce qui est un peu scandaleux, parce qu'on sait des choix, etc. Mais donc, on n'écoute pas les morceaux. On va revenir sur ce qu'on vient d'entendre, enfin, Zapp & Roger, donc I Can Make You Dance. On continue un peu le questionnaire. Un long métrage, pareil. Donc, je demande un long métrage. Il m'en sort 5. On a eu Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson. Mon Dieu. Arrival de Denis Villeneuve. Crash de Paul Haggis. Et c'est dit, il faut que je mette quand même deux films d'anime. J'ai ouais. des gens de l'anime quand même. Alors pas n'importe quoi. Tokyo Godfather de Satoshi Kon et Mind Game de Yuasa Masaaki. Je sais pas, est-ce que t'as un petit commentaire? Alors rapide, hein, on n'a pas beaucoup ouais, de temps. Ouais, c'est ça, je suis désolé. En fait, je parle vraiment trop, contraire. Apparemment. Mais. Ben, est-ce pas, qu'il y a un film sur lequel. Après, c'est vrai que Punch Drunk Love, Arrival, Crash, c'est pas évident par rapport à ta cinématographie. C'est vrai que Tokyo Godfather et surtout Mind Game, on voit de suite, nous en animation, ce qui est visuel. Donc Mind ouais. Game, il y a les déformations ouais. qu'on peut retrouver un peu dans ton cinéma. Ouais. Mais c'est des films aussi. Alors, je peux dire les deux courts-métrages. Je t'ai demandé un court-métrage, il m'en a dit deux, bien évidemment. When the Day Breaks ouais. and Father and Daughter. Ouais. Donc du lourd, Michael et Doug David et Wendy Tilby, Amanda Forbis. Et j'essaie de. Je sais pas, des fois on essaie de dire tiens, quelle est la. Qui est cette personne? Des choses comme ça, etc. Et c'est pas évident, il y a peut-être une volonté, une envie de narration en tout cas. On parle pas forcément vers l'abstraction, on parle vers. J'avoue que j'ai pas vraiment analysé pourquoi ouais, j'avais fait ces choix, mais c'est plus des trucs ouais, de feeling, quoi. Les trucs qui m'ont touché vraiment. Qui m'ont touché vraiment. C'est hyper dur de choisir quelque chose, mais c'est vrai que. Je triche un peu sur Punch Drunk Love parce qu'on m'a déjà posé la question, j'ai répondu ça et je me suis dit ouais je vais remettre, ce sera bien. Mais je pense que dans le désordre du coup en remontant, Father and Daughter c'est l'un des premiers films que j'ai vu, des premiers courts métrages d'anime qui m'a touché. Donc voilà, je pense qu'on n'a pas besoin d'en faire des tonnes dessus. Beaucoup de gens j'espère que le connaissent, en tout cas peuvent les connaître. C'est un des films évidemment très important ouais. du monde de l'anime. D'ailleurs, je pense Grand Prix, peut-être à Annecy, ce que When the Day Breaks est aussi Grand Prix okay. À Annecy, je crois. Je ne suis pas sûr que Périphie, d'un seul coup, j'ai un doute sur son Grand Prix. En tout cas, bon, ouais. des films. En tout cas, il mérite, mais au-delà des prix, parce oui, que oui, je n'ai pas choisi. Oui, c'est pour par que là, les gens ouais. qui nous écoutent, voilà, c'est deux films vraiment importants, ouais. en tout cas, qui sont souvent. En noir et blanc, en plus. Du coup, je ne sais pas pourquoi, mais non, When the Day Breaks, c'est un film. Ouais, je sais pas, tu vois, tu parles de narration par exemple, mais c'est une narration qui est pas entre guillemets traditionnelle, où on te raconte pas vraiment une histoire, on parle plus de encore une fois ce qui relie des gens dans des moments, dans des petits moments comme ça invisibles. Je sais pas, ouais, il y a peut-être du coup une filiation avec le sens du toucher, je sais pas si c'est ce que tu veux dire, mais vas-y, coupe-moi. Nicolas ? Est-ce que Nicolas est là ? Oui. Oui, est-ce qu'on peut écouter, alors on pourra pas t'écouter le morceau 3 s'il te plaît. On va écouter juste le morceau 3. Peut-être pas en entier, mais... entendre, c'est un bout, vraiment un tout petit bout, hein, désolé, j'avais fait une 30, j'ai coupé un peu avant, du sens du toucher, la bande sonore du sens du toucher. Est-ce que j'avais reconnu. Avec la voix de Camille, ouais. hein, est-ce que justement cette filiation, c'est aussi un travail, alors sur le son, en tout cas pour When the Day Breaks, il y a aussi dans Père et Fille, évidemment, moi, peut-être encore plus, je trouve, dans When the Day Breaks. Ouais, c'est vrai. Cette idée d'invisible, cette idée en tout cas de lien qui nous tisse, c'est ce genre ouais. de choses. Ouais. Je pense que inconsciemment, parce que je crois pas l'avoir mis dans mes rêves quand j'écrivais Le Sens du Toucher, mais oui, bah là, du coup, c'est évident, le fait que tu passes le morceau, je pense qu'il y a plein de liens. Maintenant, ouais, sur l'invisible, il y a plein de choses à dire. Et surtout sur le son, on a beaucoup travaillé avec Loïc Burkhardt qui a fait le son du coup, et Camille qui a enregistré beaucoup de bruitage à la bouche qu'on n'a pas forcément, enfin qu'on a intégré mais pas tout, et la musique qu'elle a créée, tout à la bouche du coup sans instrument. Et oui, cette envie d'invisible, un peu comme tout ce dont on a parlé quasiment avant, c'est, tu vois, tu parles de dualité, de relations et tout ça, et je pense que tout ce qui se passe entre tout le monde, finalement, c'est un truc qu'on retrouve aussi dans Make It Soul. Je sais pas si vous avez fait attention à ça, mais y a des choses qu'on projette comme ça, et, peut-être des émotions dans le vide ou dans la table. Bon, le sens du toucher, c'est vraiment basé sur ce concept de ce qu'on peut faire ressentir, ce qu'on peut ressentir les uns par rapport aux autres à travers la matière. Mais dans When the Day Breaks, ils le font de manière beaucoup plus, je sais pas, dans le temps distendu, plus loin, dans les métros, dans l'électricité qui passe. Et ouais, je me rends compte que c'est quelque chose qui me plaît parce que moi je fonctionne vachement à ça. Tu vois, si tu marches dans la rue ou tu te retrouves face à quelqu'un et que la personne a une expression de visage qui dit quelque chose sans que ce soit frontal, tu vois, sans que ce soit projeté, mais tu peux le sentir ou pas. Et je trouve que ça change tout, en fait, dans les rapports humains, tu vois. C'est pour ça aussi que le geste met plus loin la danse. Après, encore une fois, les mots, tout ça, en fait, cumulé, fait que c'est que question de relation et c'est que une question de qu'est-ce que t'échanges avec l'autre ou avec les autres en face. J'ai de devoir. Pour aller plus vite, on va pas revenir, je mettrai la liste, je vais aller un peu plus vite sur certaines choses, ouais. Si t'as envie de dire pourquoi, t'hésites pas à me le dire. J'ai demandé à une peintre ou autre personnalité des Beaux-Arts, tu m'as mis Ernest Pignon-Ernest, ouais. Sans blague, c'était vraiment le premier, puis Edgar Degas ou Christo avec point d'interrogation, ouais. Ernest Pignon-Ernest, pour quand même, pourquoi parce que c'était un peu, comme j'ai dit tout à l'heure, la période du lycée, pour moi, c'était un peu la découverte du graffiti entre première jusqu'à la fac et puis la rentrée à Cole. C'était vraiment le graffiti pour moi dans ma vie. Et Pignon-Ernest, c'est... Qu'est-ce que... Pignon-Ernest... Compliqué à dire le nom du gars. Ouais, c'était un peu... pareil, travailler in situ, tu vois. Réussir à provoquer quelque chose dans l'espace quotidien. Tout le monde passe et puis... du jour au lendemain, tu te réveilles et dans la rue que tu fréquentes tous les jours, il y a une peinture qui dit quelque chose de toi, de là où tu passes, sur toi, mais aussi de ton environnement et de la politique ou pas, enfin, etc. De Christo aussi. Et du coup, Christo aussi. Pour moi, Christo, c'est un peu différent. C'est plus que j'avais pas du tout pensé. Ça, c'est mes cours d'histoire de l'art, mais où je me rendais compte qu'en fait, l'art n'était pas forcément un dessin bien fait, réaliste. L'endroit par lequel on est tous passés, j'ai l'impression, et on adorait ça, mais Christo, c'est recouvrir encore une fois quelque chose qui existe et qui est là tout le temps devant tes yeux, mais que tu ne regardes pas, et à partir du moment où ça devient une masse et ça devient un ensemble, un arbre recouvert par un drap blanc, par exemple, du coup, tu vois plus les feuilles, tu vois plus les branches, tu vois uniquement la masse de cet arbre, et ça devient autre chose, et donc c'est comment révéler en cachant, finalement. Du coup, c'était... Et c'est là où c'est ma première pour le questionnaire. Je me rends compte à quel point c'est compliqué. Ça va être compliqué. Je vais peut-être devoir mettre moins de questions parce que c'est assez passionnant tout ça. Je vais un peu plus vite alors. Ouais, j'essaye moi aussi. Une chorégraphe, une danse, la danse, le popin. On a compris pourquoi. Ouais. Chorégraphe, je vous conseille de regarder. J'ai découvert James Thierry, on connaît. Peeping Tom, regardez, absolument fascinant. Il y a une vidéo, notamment une des premières que vous trouvez, avec un homme qui marche sur un autre, enfin, ouais. Qui le fait, qui est juste. Bouleversante, enfin, regarder. C'est bouleversant. Tu les as vus en vrai, ça doit être. Là, ce spectacle-là dont tu parles, passe à Lyon à l'Opéra mardi. Donc voilà, j'y vais. Ah bah, c'est. Rien que la vidéo est juste. Ouais, c'est assez bouleversant à regarder. Une ville, un village, un pays, Charvieux, Chavagneux. C'est là où j'ai grandi. C'est là où t'as grandi, c'est ouais. Ça. Saint-Laurent-le-Minier, c'est la c'est fabrique. C'est la fabrique, ouais. Le tatouage que tu aimerais avoir, j'avais envie d'un truc graphique, juste des formes sur les doigts de pied, mais ça n'arrivera jamais. Ouais. Ok. Un vêtement, des chaussettes. Alors, point d'interrogation, j'aime bien, parce qu'il y a pas mal de points. Un objet, un carnet de croquis, mais pas sûr non plus. Ouais, bah, je sais pas, un objet, ça peut être tout. Enfin, c'est toi aussi, tu poses des questions c'était... bizarres. Là. Qu'est-ce que vous avez dit, vous ? Une partie de ton corps, tu le sauras en écoutant l'émission, mes oreilles ou mes mains. Ouais. Un jour, au moment de l'année, le passage de l'été à l'automne. Et en fait, on va revenir juste un petit moment, et puis on reviendra quand même sur ce qu'on va écouter. Je vais te demander... On va écouter le morceau numéro 5, s'il te plaît, Nicolas, et on va faire réagir. Parce qu'en fait, je vais dire juste avant, l'idée c'était de dire, j'ai demandé un fait historique politique. Et donc, on écoute. Le travailleur français qui habite à la Goutte d'Or, où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a 3 ou 4 jours, et qui voit sur le palier à côté de son HLM, entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur. C'est ça, Monsieur Chirac, que vous avez choisi un cas extrême, un petit peu excessif, vous le disiez vous-même tout à l'heure, pour essayer d'attirer l'attention sur le problème de l'immigration. Oui. C'est bien cela. Je ne fais pas mien, bien entendu, le témoignage que j'ai rapporté, mais je l'ai à des centaines d'exemplaires. Ouais, j'ai gardé juste ça parce que on sent qu'il a du mal quand même. Voilà, et je trouvais ça intéressant, surtout que avec tout ce qui se passe maintenant et ce musée qu'il a fait, et que tout le monde à ce coup a l'air d'oublier un peu qui était Chirac, et comme si c'était le grand ami de tout le monde. Enfin voilà, de tous les peuples du monde, on oublie un peu ça. Donc j'étais content. Tu peux nous en parler un petit peu, évidemment, de ce pourquoi t'as choisi ça. Oh là là, il y a trop de trucs à dire. Ouais. Bah, j'ai choisi ça un peu. Pas par défaut, mais si tu veux, bah déjà toutes les questions, j'ai réfléchi énormément. Bon, celle-là en particulier, parce que je me suis dit, bon, bah, on peut parler de Ziad Ebouna, on peut parler de l'affaire Adama Traoré, on peut parler de plein de trucs, mais à chaque fois que j'avais un fait politique, je me disais que, bah, en fait, ça remontait beaucoup plus loin. Celui-là, on peut aller encore beaucoup plus loin, mais je pense que c'est un espèce de moment charnière. En tout cas, je l'ai choisi parce que c'était proche de moi dans ma vie. On est en 91, je pense, à ce moment-là. Et moi je suis tout petit, je suis né en 84, donc j'avais 6 ans et 7 ans, et ça m'a chamboulé, ce truc. Pas parce que j'ai la perspective de pouvoir comprendre les rires, tu vois, derrière, de ce qui se passe, son malaise quand il essaye de justifier, entre guillemets. C'est plus que, bah, quand t'es petit et que t'entends ces mots qui sortent de la bouche de ton président. Moi, en tout cas, pour moi, le président, c'était la figure incontournable, incontestable, etc. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je vivais donc dans ce village, enfin dans cette ville, qui est un petit truc comme ça à la campagne, où il y a pas mal d'immigrés maghrébins. Mais mes parents, donc mon père qui est camerounais, et ça s'adressait finalement à moi en de manière tout à fait frontale. Mais j'avais pas cette perspective pour le comprendre. Et ce dont j'ai conscience aujourd'hui, c'est que ce genre de discours construise. Et que moi, en tant qu'enfant de 7 ans, bah, t'es français, tout simplement. Et que quand ton président te parle de ce genre de choses, tu l'écoutes et tu le crois. Et quand tu croises des Noirs et des Arabes dans la rue, ce qui était finalement mon cas, parce que pour beaucoup, j'étais un Arabe ou un Noir ou les deux, c'était assez intéressant. Et ben, tu te mets à avoir des pensées aussi nauséabondes que ce que ton président va te donner, en fait. Et c'est là où tu vois les grandes messes des journaux, TF1 et la télé, etc. À quel point ça peut faire des ravages, c'est que même quand toi tu es concerné par un problème, et ben on peut te faire croire que tu dois aussi lutter contre ce problème. Alors du coup, tu vas commencer à lutter contre toi-même. Et c'est il y a plein de choses à dire, c'est un peu résumé. Mais c'est intéressant parce que ton dernier film, justement, alors à chaque fois je me trompe entre tous les titres qu'il y a, parce que le premier c'était Please Please Please, ouais. King of Soul, enfin il y a pas mal de titres, hein, qu'on a été mis. D'ailleurs, ouais, c'est Make ça. It Soul, maintenant, ouais, finalement, Soul, le dernier, ouais. Make It Soul. C'est drôle parce que tes deux premiers films, on parlait de représentation, ouais. De la complexité de la représentativité finalement aujourd'hui. Il y a peu, on est dans un monde, en tout cas en France, alors dans beaucoup de choses, mais dans l'animation encore plus, ouais, plutôt blanc, on va dire. Avant c'était plutôt blanc masculin, maintenant ça change énormément et beaucoup de femmes, heureusement. Enfin en tout cas voilà, ça, il y a une vraie mystère à ce niveau-là en tout cas, mais c'est encore difficile. Ouais. On n'a pas le temps d'en parler, mais tu racontes au moment où t'as voulu rentrer au Gobelins, c'était pas possible. Tu dis dans une interview que t'es pas le seul, hein, mais à rembourser ton prêt en 2014. Que t'avais fait pour Emile Cole, enfin voilà, ce genre de choses, ça coûte cher. Oui, ça coûte cher. Il y a plein cher, de choses. Ouais. Est-ce que tu te poses la question à un moment donné d'être un modèle ? Est-ce que d'un seul coup tu te dis, parce que j'ai pas cette impression là non plus, mais que notamment dans le film, encore une fois King of Soul, j'arrête là, mais tu sous-tends au début et à la fin, tu mets ça dans un contexte historique, on va dire, sans non plus être trop didactique, mais c'est important. Ouais, c'est pas évident. Alors le modèle, t'as parlé de militant au tout début dans ton introduction. Je peux pas me considérer comme militant, parce qu'il y a des vrais militants qui se lèvent le matin et dont c'est le travail, et qui vivent pas de ça ni par ça, mais qui vivent pour les gens pour qui ils se battent. Et dire que moi je serais militant, du coup ça serait super mal placé, je pense. Mais en tout cas, oui, tu vois, alors quand j'étais à Cole, par exemple, faire un film avec deux personnages qui sont noirs, voilà, c'était assez étrange pour moi, parce que finalement, dans ma scolarité, j'avais tendance à dessiner des personnages noirs, voilà, comme on peut avoir tendance à dessiner des personnages féminins ou des personnages blancs, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pouvait me faire remarquer. Tu peux arrêter de dessiner des noirs, en fait, tu vois, c'est bon, on a compris. Et ce qui est rigolo, c'est que la question ne se pose pas à l'inverse. Ouais, c'est ça. Personne ne se demande si on peut arrêter de dessiner des personnages masculins blancs. Et j'ai rien contre les personnages masculins blancs. Voilà. Mais voilà. Donc il y a toujours comme ça. C'est encore une fois cette dualité. Qu'est-ce que tu renvoies? Qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que tu dis? Donc moi, je suis pas militant, mais j'essaye de m'éveiller à ces questions parce que c'est super important. Et tu parles d'être un exemple ou pas. Moi, je me suis rendu compte. J'ai vécu ça assez frontalement quand j'étais plus jeune. C'est quelque chose qui m'atteignait beaucoup, et j'en parlais beaucoup quand j'étais au collège. Tu vois, je me disais, oui, mais le racisme, etc. Il y avait les trucs de touche pas à mon pote. Enfin, c'était quand même assez présent dans les années 90. Mais en même temps, on me disait, arrête d'être parano. Et ça, c'est quelque chose que j'ai, entre guillemets, assimilé, en me disant que bon, c'est vrai, j'exagère, etc. Quand je suis arrivé, tu vois, j'ai grandi, donc une ZEP, t'es avec un espèce de mélange, de melting pot, et c'est vraiment cool parce qu'il n'y a plus de communauté, au final tout le monde est ensemble. Ça, c'est quelque chose qui me plaisait. Pour revenir finalement, quand tu rentres dans les grandes écoles, et ce qui était mon cas et le cas de beaucoup d'amis, où tu as une nouvelle perspective en fait de tout ce que tu as compris en tant qu'enfant, qui se révèle en grandissant au final, ça devient très intriguant. Et quand tu le fais dans les films, ou quand j'ai fait par exemple Le Sens du Toucher, moi je suis à Folle Image, je suis dans l'animation, le milieu de l'animation c'est un milieu qui est très privilégié finalement, de là où je me trouve, parce que on a toujours regardé ce que je faisais en termes de travail, on m'a jamais rien dit quoi que ce soit d'autre, et on a toujours regardé mon dessin, et c'est pour ça que j'ai pu travailler à Folle Image. Et en faisant Le Sens du Toucher, j'ai commencé à faire des festivals mixtes, entre guillemets, où il y avait de la prise de vue et de l'animation. Et on a commencé à venir me voir en me disant, mais donc des amis noirs, enfin qui sont des amis aujourd'hui, mais en me disant, mais en fait, qui es-tu? D'où viens-tu? Il n'y a pas de réalisateur noir, il n'y a pas. Et moi, si tu veux, c'est quelque chose dont j'avais conscience, mais qui était pas un sujet tabou, mais je me disais que bon, on va peut-être pas emmerder les gens avec ça, tu vois, c'est un peu toujours ce truc de, c'est pour ça que je parlais de l'extrait de Chirac, c'est que ben tu te remets finalement toujours toi en question avant de d'oser débattre des problèmes. Et dans la prise de vue réelle, c'est un vrai enjeu. On le voit avec Noir n'est pas mon métier, avec toutes ces femmes comédiennes noires qui ont fait ce livre, avec le film d'Amandine Gay, Ouvrir la voie, etc. Gaëlle aussi, quelqu'un qui avait dénoncé ça au César, notamment l'absence de personnes donc non blanches, femmes, pas au Molière, pardon, pas au César, au Molière, pardon, pour au théâtre. Ouais. Et bah Yann Gaël qui est un de mes amis aujourd'hui, je fais coucou, hein. Qui te cite dans une interview. Il cite, il dit, il y a de nombreux comédiens réalisateurs très talentueux comme mes partenaires dans la série ou côté réalisateur, Chacha Niembe, Alice Diop, Jean-Charles Mbotti, Malolo ou Maïmouna Doucouré. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Mais non, mais voilà, et c'est une réalité que je pouvais pas percevoir de là où je me trouvais, si tu veux. Donc, de là à dire que je suis un modèle, non, mais c'est vrai que je comprends certaines autres choses, en fait. Juste, est-ce qu'on a peur d'un seul coup de se dire, tiens, là j'ai vu que t'avais fait un carambolage sur le boubou. Ouais. Et d'un seul coup, tu fais sur Jane Brown. Est-ce que d'un seul coup, on se dit, oh, est-ce qu'on va pas venir me chercher parce que je suis un peu là? Ah, ça va leur plaire d'un seul coup. Enfin, ils ont un réalisateur noir dans l'animation, donc on va me donner tous les trucs un peu. Tiens, tu peux le faire, ça tombe bien. Mais ou... moi, j'ai alors. Et à la fin, ouais, se dire, c'est pas grave parce qu'il y a des choses à dire avec ça, justement. Bah, les deux, en fait. Ouais. Moi, j'ai peur de tout, de toute façon. je suis pas forcément le mec qui dit, non, mais ce que je fais, c'est vraiment trop cool. Et voilà. Donc, que ce soit pour la danse ou pour ça aussi. C'est pas évident, mais après il faut juste savoir se positionner et le faire correctement. Maintenant c'est ce qui est intéressant avec Make It Soul par exemple, d'attendre quels vont être les retours. Il y en a déjà quelques-uns et c'est un peu ça, tu vas mettre toute ton énergie pour faire quelque chose qui soit intéressant et qui soit juste entre guillemets, authentique, avec le maximum d'honnêteté. Mais c'est pas cette honnêteté qui va faire que ça fonctionnera sur tout le monde ou que ça plaira entre guillemets à tout le monde. L'idée n'étant pas de plaire à tout le monde, mais à l'inverse, c'est pas de créer de la polémique ou de faire quoi que ce soit de négatif par ailleurs. Mais... Alors il nous reste 5 minutes, on a pu parler de plein de choses. Si vous voulez en savoir un peu plus sur Jean-Charles, vous pouvez venir. Son film Make It Soul passera le samedi soir 22 septembre à 19h30 au PIAF. Il sera là, je l'interviewerai, donc on parlera un peu plus de son cinéma, des filiations entre films, de ce qu'il faut toujours entre guillemets un peu tuer le père, ce qui est l'un des choses récurrentes qu'on a dans son cinéma, où vous savez comment on est, nous critiques on aime bien trouver. Donc par exemple, il y a souvent il y a la porte. Ouais, il y a la porte. Dans le cinéma de Jean-Charles, dans ces trois films, il y a des portes qu'empêchent. Il y a regardez à travers le Judas dans deux de ses films. Donc il y a cette idée de regard aussi un peu difficile par rapport à l'autre. Il y a pas mal de choses comme ça qui sont assez passionnantes. C'est toujours agréable parce que ça veut dire que c'est des vrais réalisateurs. On en a plein en animation et c'est moi qui le dis là, qui sont, j'ai pas appelé des faux réalisateurs, mais c'est vrai qu'ils sont des gens qui passent beaucoup par uniquement le dessin. Et j'adore ça aussi. Mais là, d'un seul coup, il y a un vrai travail qui est intéressant sur le son. Merci. Il y a déjà pas mal de choses sur la construction. On trouve des échafaudages, souvent, enfin des choses qu'on essaye et tout. Donc pas mal de choses absolument passionnantes, des gros plans sur les pieds. Ça, il aime ça, forcément. Hein, quand on est, il y a pas mal de choses. J'aurais aimé lui poser plein de questions sur le sens du toucher, parce que je trouve que c'est un film qui est complexe et qui est absolument passionnant, justement dans sa complexité, comment s'est fait l'écriture. Mais on n'a pas le temps, il est trop bavard. Comme je suis désolé. Non, mais c'est ça qui est bien, les gens timides qui disent, alors on a plein de questions en tête, comme ça on se dit c'est pas grave, le questionnaire aussi t'es là pour ça, genre j'aurais plein de questions comme ça au cas où, et en fait voilà, donc on va finir le questionnaire. Les questionnaires aussi qui sont pour découvrir d'autres choses, hein. Un livre de fiction, L'Élu, de Chaim Potok, donc un rabbin, avec un roman assez important. Ouais. Je suis désolé, peut-être que je vais dire tout et puis tu pourras dire. Ouais. Un livre de fiction, Cameroun, de Jacob Tatsita, Manuel Domergue et Thomas Deltombe, qui est un livre justement sur la France-Afrique, c'est ça? Ouais. Donc une ville, on l'a déjà dit. Une nourriture, boisson, le ndolé, qui a l'air très très bon, la camerounaise. T'es allé checker les images sur Google. Forcément, j'ai vu que c'était un peu comme Zépinard, mais pas vraiment, que c'est très long. C'est pour ça que ce questionnaire est fait, c'est pour un peu découvrir des choses. Une image, une photo, Sen Ellison versus Cassius Clay, bien sûr, enfin Nell Leifer, qu'on voit... Qu'on voit dans le film. Dans la loge de James Brown. Le moine, image évidemment bouleversante aussi, Thich Quang Duc, je ne connaissais pas, par Malcolm Brown, qui est la fameuse image du moine qui s'immole au Vietnam. Et un personnage qui te fascine, Mohamed Ali, Colin Kaepernick, que je ne connaissais pas, qui est un joueur de football américain et qui a défrayé la chronique parce qu'il sait, il n'a pas salué, il a mis un genou à terre pour se battre contre le racisme aux États-Unis, et depuis il n'a plus de boulot, il a attaqué la NFL en disant que il n'avait pas été rembauché, mais pas à cause de gestes là, soi-disant. Ouais. Et donc voilà, donc des choses assez. C'est pour ça, tu vois, on parlait de militants tout à l'heure. Je pense qu'il y a des niveaux. Et moi, je n'y suis pas du tout. Mais voilà, c'est toujours des gens qui sont, que je trouve forts, qui pensent uniquement, à ce qu'il y a autour d'eux, quoi. the bigger picture. D'abandonner un peu qui on est finalement soi pour essayer de, de faire un petit peu autre chose. Est-ce que c'est pas ça aussi ce qui est intéressant, c'est de montrer des personnalités qui sont complexes, et je pense que Make It Soul est aussi, en tout cas moi je le trouve fascinant, parce que finalement on voit une personnalité de James Bond, et finalement, alors je peux pas trop dire du film, hein, j'espère que vous allez venir le découvrir pour une grande partie d'entre vous, mais c'est finalement pas le héros du film, et c'est cette complexité d'être aussi numéro un, d'avoir des personnages qui ont des égos mais surdimensionnés, Solomon Burke et lui, et finalement comment d'un seul coup pouvoir s'imposer. Est-ce qu'on est obligé d'être dictateur à un moment donné, c'est un coup d'état ce film en fait, c'est un véritable putsch à un moment donné qui est tiré d'une histoire, d'une anecdote véridique, et c'est de ça de montrer aussi des personnages qui sont plus complexes finalement, enfin qui sont très complexes finalement. C'est ce qui te plaît aussi dans le cinéma. Oui, c'est ce que j'ai l'impression d'apprendre de la vie, de quand je rencontre des gens, et du coup je me dis que je me rends compte que je suis très très complexe. Les gens qui vivent avec moi le valideront, mais oui, du coup, pour moi, si on doit faire un cinéma pas forcément réaliste, mais en tout cas pour parler des gens et qui parlent aux gens, j'ai l'impression que c'est cette voie-là. Tu vois, aller chercher de la psychologie, mais sans forcément, tout gratter, tout lisser, pardon, et essayer d'arrondir les angles. Je crois qu'il y a finalement pas d'angle à arrondir. On fait tous un peu comme on peut, et cette situation-là, c'est ce qui me plaît dedans. C'est qu'on voit jusqu'à quel point le gars est capable de tout donner pour arriver là où il veut. Et d'un autre côté, à quel point un autre personnage est capable de lâcher prise en fait, et de se dire qu'il y a des combats qui sont importants parce qu'on veut les mener pour nous, et il y a d'autres combats qui sont les mêmes et qui sont vains finalement, parce qu'il y a d'autres gens autour qui pourraient profiter de qui on est, etc. Et voilà, c'est un peu. Et je vais te couper parce que je m'en voudrais te faire louper ton train. Venez du 20 au 24, je voulais parler du piège. Je vais évidemment laisser plutôt mes deux invités parler juste après, et par rapport au questionnaire, parce que vous avez vu que le questionnaire est intéressant. Moi, j'ai appris plein de choses, en tout cas, grâce à ce questionnaire. Je remercie. D'ailleurs, en fait, j'avais abandonné un petit peu. C'était Olivier Catrin qui le faisait avant dans Bulle de Rêve. Il demandait à ses invités d'amener juste une musique, mais c'était déjà quelque chose. C'est vrai que, cette idée de questionnaire, j'ai appris plein de choses aussi. Alors, je connais pas le questionnaire de Francis, mais Nicolas m'a envoyé. J'ai appris plein de choses. Vous allez apprendre des mots. Vous allez voir des parties du corps avec des termes qu'on ne connaît pas forcément. Même vous allez pas en voir, plus. C'est assez étonnant. Et venez, donc, du 20 au 24 septembre, je vais faire une conférence le samedi sur l'engagement et le cinéma d'animation. Il va y avoir les Shadows, on va avoir toute une séance sur les Shadows, on va avoir la compétition comme d'habitude. Il va y avoir toute une après-midi le vendredi avec des pitchs. Francis Gavel sera là pour parler du scénario dans le cinéma d'animation. Jean-Charles Mbotimalo sera là pour parler de son film et de la complexité évidemment de faire un film avec son producteur qui sera présent dans la salle. On aura vraiment plein de choses, c'est gratuit, ça serait un plaisir évidemment de vous voir. J'ai joué le jeu, alors je devais passer normalement la mettrai sur le site de Lee Fields qui fait James Brown, une petite vidéo où il parle et il rigole et fait Let Doctor be Doctors, qui est incroyable, assez magnifique vidéo. Regardez-la parce qu'elle est extraordinaire. J'ai joué le jeu quand même parce qu'après tout il n'y a aucune raison, donc mon morceau à moi qui me représenterait, je me suis dit tiens qu'est-ce que ça pourrait être, et l'idée c'était là de se représenter. On va entendre quelque chose de joyeux, de complètement de fou et puis de romantique. On se refait pas. On écoute le final de Nightmare Before Christmas et on revient avec mes deux invités pour finir de parler et cette émission. Et merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup à tous. Merci infiniment à toi d'être venu. Merci beaucoup. Et on le retrouve et si vous voulez voir en chair et en os pour de vrai, on le retrouve au Piaf. Nicolas, on écoute donc Nightmare Before Christmas. It's completely new. What's this? Must be a Christmas bag. What's this? It's really very strange. What's this? like to join you by your side, where we can gaze into the stars and sit together now and forever. For it is plain, as anyone can see, we're simply meant to be. Le final de Nightmare Before Christmas avec ce moment absolument sublime, évidemment, sur la lune, comme ça, enfin, avec la lune derrière et le moment où Jack et Sally sont tous les deux. Allez, rapidement quand même, parce que on a bossé dessus, donc je me dis, festival Le Piaf, rapidement, il y aura du bon monde, hein. Moi je suis ravi, j'aurai un journée d'étudiants génial avec Jean-Charles Mbotti Malolo, Anaïs Cora, qui a réalisé notamment The Main Case Woman, qui vient de l'ENSAD, vraiment passionnant, et Pierre Caillet, musicien qui est en compétition encore une fois énormément. Le jury pro Val Power, dont on a parlé déjà la dernière fois, puisque c'est notamment la musicienne de Virgin Keaton pour Je crée contre la vie ou pour elle, mais plein d'autres choses. Elle était récemment en concert à Bercy. Merci Francisque, j'ai pu l'avoir grâce à Bercy toi. Village. Bercy Village. Comme elle le dit elle-même, je suis en concert à Bercy. Village. Isabelle Vanini du Forum des Images, Valentine Delque, que je remercie infiniment parce qu'elle nous a offert une absolument magnifique affiche. Grand merci à elle. Émilie Jeanne, que j'espère recevoir ici, qui est directrice de la distribution de Rouge Distribution et qui notamment distribue Have a Nice Day et pas mal, qui vont se lancer pas mal dans l'animation. Et donc, j'ai hâte de la recevoir ici. Et là, ils sortent le 19 septembre un portrait hallucinant de Chilly Gonzalez, donc Shut Up and Play the Piano. Il faut y aller, quoi. Et toute la période Gonzo, quand il était à Berlin, il y a des vidéos de l'époque, c'est absolument incroyable, avec Peaches, c'est des allumés fous. Moi, j'aurais absolument pas du tout apprécié la musique à l'époque, mais d'un seul coup, sur la personnalité du type, et revoir après les morceaux avec orchestre symphonique et comment il est au piano devant cet orchestre, c'est absolument hallucinant. C'est un film, alors, absolument jouissif, quoi. 19 septembre, donc. Ouais. Shut Up and Play the Piano. Merci Francis. Et le dernier, Damien Maherbi, qui est producteur au Valseur, à qui on doit notamment Vilaine Fille d'Escartal et Guachuma pour ceux qui aiment de Nard Normandie. Jeudi 20 septembre, soirée d'ouverture, je vous rappelle, tout ça est gratuit au Théâtre de Minuit de Montant. Je recevrai Sébastien Lodenbach, on animera une rencontre. J'espère, même si vous connaissez Sébastien Lodenbach, venez. Sébastien ne sait pas du tout ce qui va se passer, je vais tenter de lui présenter des films, des morceaux de choses, etc. Et on va parler un petit peu, c'est aussi quelqu'un qui est multi-talentueux, il fait plein de choses, il est devenu acteur il n'y a pas longtemps, hein. On en parlera avec lui sur scène, je vois que Francis... Ah, il est c'est absolument incroyable dans le film d'Emmanuel Mouret, donc Mademoiselle de Jonquière, d'un seul coup, on voit Édouard Baird faire... Non, alors il y a une autre scène avant, en fait, où on voit un peintre faire un portrait de Mademoiselle de Jonquière et du Marquis d'Isis. Et sur le coup, on le reconnaît pas, en fait. Mais je connais cette tête. En fait, il est rasé. Il a pas de moustache, pas de barbe. Et on se dit, ah, mais je le connais. Donc voilà, avec qui il avait déjà travaillé, en tout cas pour faire des génériques. Il y aura un focus studio vivement lundi. C'est le vendredi de 11h à 13h, mais avec des choses vraiment intéressantes comme Cul de bouteille, notamment, ou Tempête sur un orac de Paul Cabon, toujours pas visible sur Internet. Donc venez vous déplacer en salle pour le voir. La fameuse après-midi de 15h15 à 19h, séance de pitch et table ronde. Venez, Claire Sichet, Francis Gavel, a priori, et peut-être Corinne Destombes, Emmanuel Arénal, en tout cas, j'espère, seront là. En tout cas, toujours intéressant, notamment pour les étudiants. Je vous passe la compète avec des choses, c'est moi qui l'ai fait, donc évidemment c'est un petit peu simple, mais des choses qu'on n'a pas forcément beaucoup vues, comme L'après-midi de Clémence, très très beau film, Cucaracha, c'est le dernier film de Riba et Solanas, One After the Other, Nicolas Pégon, qui est un film que j'aime beaucoup, un bluesman existant ou pas, des films qui cartonnent depuis maintenant, voilà, comme Raymond ou L'évasion verticale de Sarah Vandenboom ou La chute de Boris Labbé, pas mal de choses aussi en film étudiant, je vous conseille, voilà, Black Dog de Joshua Tutil, qui à mon avis passe quasiment nulle part, The Stain Club avec des nouveaux aussi de Rubika ou Off Season d'Orselia Lang, enfin il y a des choses vraiment, voilà, que je suis content de pouvoir vous montrer. Je passe hein, tout ça. Cinéma du Monde, samedi 13h30, c'est toujours compliqué, mais avec des choses, notamment le dernier film de Victor Orozco Ramirez, mexicain, qu'il faut absolument voir, ou des films très très forts, comme Take a Deep Breath, par exemple, où on voit que le cinéma iranien, et notamment les femmes, s'emparent aussi de tout ce qui est violence sexuelle, et dans la société aussi iranienne. Donc il y a des choses assez, assez fortes qui peuvent... se mettre en place, beaucoup de femmes aussi, là encore, commande, où je serais content de pouvoir passer notamment à la suite les quatre films qui ont été faits par Sébastien Lodenbach justement pour Dominique A, mais aussi voir les épisodes de la terrible série Error Humanum Est de Cédric Villain, avec toutes les horreurs que peut faire l'être humain. Vous allez voir, c'est quelque chose. Première aussi de, enfin, assez peu vue de Crooks d'Alexandre Roy. Venez voir sur grand écran ce magnifique gâteau d'Emma de Sueff et Mark James Rolls. Et je vois qu'il y a une erreur sur le catalogue au moment où je vous parle. Et c'est terrible, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ce magnifique gâteau d'Emma, on l'a marqué. Voilà, c'est la seule, a priori. Donc voilà, mais en tout cas, venez le voir. Make It Soul de Blochstrett 11, qui a été le grand prix du Festival d'Annecy. Voilà, plein d'autres gens. Ah si, venez voir quand même en étudiant le dernier film de Polina Ziolkowska, qui s'appelle Nazdrovier. C'est sûrement l'un des grands noms hein, qu'on découvrira très rapidement, mais qui est absolument important, traductrice russe polonaise. Séance de Zombilenium, mis en place par Patrick Hernandez, Roxelle, et très rapidement, parce que je vous réunirai la dernière séance qui est le dimanche soir avec notamment le Tigre de Tasmanie de Virginie Keaton, et surtout, alors, et voilà, deux jeunes que vous avez déjà entendus ici, Train de Justine Wulstecker et Aerobit de Bastien Duprier, le sublime dernier film de Rosto, Reruns, et surtout je suis très ravi de pouvoir me présenter alors trois, Martha Payek, vous savez à quel point j'aime Martha Payek, et surtout Roadhouse de Jonathan Hodgson, le nouveau film de The Man with the Beautiful Eyes, et plein d'autres depuis, il sera là, il sera présent dans la salle, et on fera un petit débat évidemment avec lui. Je m'arrête là, mais je tenais quand même à vous en parler. Et donc, nous allons parler avec mes deux invités. Alors, il y en a, je connais sa liste. Et on va pas commencer par la musique, puisque on fera une petite coupure et on finira avec l'un de vos morceaux. Donc, on va commencer avec un long métrage, le long métrage de Nicolas. Je vais vous demander de faire court. On a, allez, 30 minutes avec vos deux morceaux, donc, hein. Et je sais que vous êtes bavards tous les deux, pire que moi. Long métrage, Blade Runner. Ouais. Un seul, ouais. Une évidence quand je t'ai posé la question. Oui, plus ou moins, bah, disons que, gravitant un peu dans le milieu du cinéma, on va dire, c'est toujours la question qu'on pose à tout le monde. Quel est ton film préféré? C'est la question toujours la plus compliquée, etc. Donc, mais il faut toujours essayer d'y répondre. Donc, en général, je donne celui-là qui est quand même peut-être pas le... qui est un des films qui m'a clairement le plus marqué, que je trouve vraiment, vraiment magnifique et vraiment parfait. Surtout la version, on va dire, la Director's Cut de 92, c'est-à-dire pas forcément la toute première avec la fin où ils sont bons tous les deux, voilà. Pas la toute dernière version qu'il a fait 25 ans après, où il a retravaillé des petites choses, etc. Mais je préfère vraiment celle d'entre deux, donc celle de 92. Mmh. Où en fait, il y a toujours cette espèce d'actualité quand même par rapport à Los Angeles qui devient de plus en plus sombre, de plus en plus noir. Il y a toujours ce côté un petit peu déjà écolo assez étrange. Il y a toujours, c'est toujours d'actualité aussi, le côté robotique, le côté intelligence artificielle, toutes ces choses-là qui arrivent. L'humanisation, la déshumanisation, ouais, de toutes ces thématiques-là. Le côté pantin, etc. qui arrive. Quand même sublime de fin où finalement on se demande, oui, qui est plus humain finalement. C'est ça, est-ce que le robot va pas devenir plus humain que nous finalement, ouais, ouais, voilà. Et puis la musique de Vangelis, que je trouve absolument magnifique aussi. Enfin voilà, tout le film de manière générale. Francis, toi t'as marqué quoi pour le long métrage? Ah ben, j'ai fait une tartine, parce que c'est une question de toute façon quand on me la pose je suis jamais capable d'y répondre. Alors après j'avais mis plein de choses, j'avais mis Dieu seul me voit de Bruno Podalydès, j'avais mis Garde à vue de Claude Miller, Journal intime de Nanni Moretti qui pour moi est le vrai feel good movie de la vie. Un autre, parce que en pensant à cette citation que je connais depuis peu de Paul Claudel, il ne faut pas comprendre, il faut perdre connaissance, donc c'était La double vie de Véronique de Kieslowski. Et puis bah si on prend récemment un film sur la lutte des classes, un film sur la fascination amoureuse, parce qu'il y a aussi des films récents magnifiques, c'est le Burning de Lee Chang-dong, ça c'est incontournable. Pour moi le plus beau film sur peut-être le deuil et la passion du cinéma, c'est Le père de mes enfants de Me and Son Love. Et après, je m'étais dit, si je devais garder qu'un cinéaste, évidemment, c'est Alain Resnais, parce qu'un film, d'accord, mais alors un cinéaste. Et puis après, ah mais j'ai oublié, il y a quand même le plus grand portrait d'une jeune fille d'aujourd'hui dans les années 60, c'est La vérité de Clouzot avec Brigitte Bardot et ses deux magnifiques Charles Vanel, Paul Meurice. Et puis finalement, j'ai mis, parce qu'à l'époque où il est sorti, puis même après, je l'ai vu trois fois, j'avais la BO, mais la vraie BO de l'origine de John Williams, pas toutes les remixes qu'on a eues après où il manquait... ce qu'il avait composé vraiment pour le film, c'est Rencontre du troisième type de Steven Spielberg. Voilà, parce que c'est un film qui m'a fasciné, parce que c'est un film finalement dans lequel on pourrait dire il se passe, c'est une époque heureuse de l'Amérique où quand on rencontre l'extraterrestre, en fait, on va vers lui. Après, il fait la version noire Spielberg parce qu'il fait la guerre des mondes. Donc là, l'extraterrestre devient un ennemi, celui dont on a peur, alors qu'à l'époque, bah, on est dans quelque chose de merveilleux. On veut aller au contact, quoi. Et je trouvais ça fascinant. Et puis je trouvais le film fascinant. Voir François Truffaut dedans, ça me faisait bizarre. On entendait plein de langues, on allait dans plein de pays. Il y avait des scènes incroyables avec des travelling latéraux dans tous les sens. Et voilà, et c'est peut-être le film le plus merveilleux du monde. C'est intéressant finalement parce que c'est deux films de SF, deux films fantastiques en fait que vous avez choisi, Rencontre et Blade Runner. Ouais, alors pas avec la même, évidemment. Et puis pas évidemment avec la même atmosphère. Quoi. C'est beaucoup plus dark dans le Blade Runner de Ridley Scott. Quoi. C'est l'humanité. Il y a une anticipation qui me plaît bien. Faut que je coupe, Francis, évidemment. Tu le sais. À moins que tu voulais. Non, moi j'ai rien à dire. Finir. Juste, Nicolas, on va écouter. Le morceau, je fais faire le morceau numéro 9. On va juste écouter le début du morceau numéro 9. Ah voilà, alors allons-y, je savais pas qu'on disait ça, merci. Le court-métrage, j'ai demandé un court-métrage, tu vas me dire, et là, elle ne fut pas ma surprise parce que je ne connaissais pas, et pas, après en voyant sur internet, je me suis rendu compte que je connaissais, c'est les Coco Shaker qui n'est pas vraiment un court-métrage, qui est une série. Oui, je sais que les séries sont importantes pour toi, tu dis souvent. Oui, enfin, oui, mais disons que. Coco Shaker. Ouais, en fait, disons que tu nous t'avais dit dans ta liste déjà qu'il fallait pas qu'on mette forcément nos préférés. Oui, c'est. Mais plutôt ceux qui nous ont le plus marqués ou autres. Et donc, j'ai hésité parce que surtout pour les courts-métrages, c'est vrai que c'est compliqué. Au début, j'avais même failli mettre aussi Father and Daughter, comme Jean-Charles tout à l'heure. Enfin, il y avait des choses où la jeter tout bêtement qui était quand même aussi. Et puis, à un moment, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui a pu me marquer, etc. Et par là où je suis un peu rentré dans l'animation, il y en avait deux auxquels je pensais, j'hésitais, qui sont plus des séries, mais des séries très courtes aussi. Et donc voilà, il y avait Téléchat, mais j'ai cité Roland Topor pour ailleurs. Ouais. Et par contre, et je me suis dit, bah finalement, il reste les Coco Shaker qui je regardais quand j'étais tout petit, et qui m'a beaucoup marqué, que j'adorais. Et je me rappelle vraiment que tous les soirs, je regardais donc ces deux personnages qui répétaient inlassablement la même chose, c'est-à-dire qu'ils doivent monter dans un palmier et ils n'y arrivent pas. C'est tout bête, c'est tout simple, c'est vraiment ultra minimaliste et c'est extrêmement drôle et ça marche toujours bien avec ce générique très reconnaissable. On comprend d'où vient le fanfication de Nicolas aussi. C'est pour complètement absurde. L'expérimental, une phrase, etc. Parce qu'il y a un côté, on regarde et c'est la même chose qui se passe. C'est arrivé quand j'étais petit. C'est absurde et minimaliste. Oui, complètement. Aussi, hein, c'est pour ça. Oui. Francis, le court-métrage. Le court-métrage, alors je me suis dit, c'est un peu comme le long, mais je me suis dit, on va prendre des choses emblématiques aussi. Alors, puisqu'on est dans une émission d'animation, je me suis dit, je vais faire la partie animation. Alors, qu'est-ce qui m'a fait arriver dans l'animation finalement? C'est la sélection à la semaine de la critique. Sans ça, je pense que j'y serais pas arrivé. Donc, évidemment, je reviens toujours sur la même chose. Donc, désolé pour ceux qui ont déjà entendu ça 200 fois. C'est la sélection faite en 2004, hein, avec trois films. Ryan de Chris Landreth, L'homme sans ombre de George Fitzgable et puis Signe de vie d'Arnaud de Meurinck. Et puis, si je vais à l'opposé, mais dans une autre sphère du cinéma, évidemment, et c'est pas uniquement parce que je suis en train de lire son bouquin d'entretien en ce moment, Ce que peut le cinéma. Donc, c'est le cinéma de Jean-Gabriel Perriot. Sur un cinéma plus expérimental, plus politique, à base de films et d'images d'archives. Et un des films peut-être qui a été choc, c'est Eut-elle été criminelle sur les femmes tendues à la libération. Et puis voilà, et puis si je finis, après peut-être le cinéaste pour moi le plus sensible dans les cinéastes contemporains, et parce que j'ai accompagné ses premiers moyens-métrages à Cannes, c'est Michael Hertz, le réalisateur de Primrose Hill et de Montparnasse, et qui sera bientôt, après ce magnifique sentiment de l'été, qui sera de nouveau sur les écrans avec Amanda à partir du 21 novembre. Évidemment, vous inquiétez pas, je mettrai leur liste, je demanderai celle de Nicolas, je demanderai à Francis qui me l'envoie, et je vous mettrai de manière encore une fois ces listes, c'est évidemment vous découvrir, mais c'est aussi un peu revoir les choses. J'avoue que les Coco Shakers c'était surprenant, évidemment, là, de voir, je sais, des gens comme Michael Arts, je sais qui sont des cinéastes évidemment que tu aimes beaucoup et que tu suis énormément. Je vais faire un peu dans le désordre. Une chorégraphe ou un chorégraphe et une danse, je voulais demander, c'est aucune raison qu'on demande qu'aux danseurs. Donc Philippe Découfflé pour Nicolas. Et la danse, la DO danse, vous savez, dans Beetlejuice, quand ils se mettent à chanter sur un DO d'Harry Belafonte. Et cette espèce de délire total avec un... voilà. C'est un petit commentaire. Alors, on peut ne pas faire de commentaire. On n'aura pas forcément le temps de faire un commentaire sur tout. Donc, Ouais, pas énormément. C'est juste que je trouve que Philippe Découfflé, bon, c'est pas très original, mais ça reste un chorégraphe absolument immense. Et j'aime beaucoup tous ces jeux de couleurs, de lumière, etc., qui sont vraiment encore, qui font même au-delà de la simple danse, enfin, qui retravaillent, qui remodèlent les corps par rapport à ça. Et par rapport à la déodance, c'est juste probablement l'un des morceaux qui m'a le plus marqué de danse au cinéma. Assez délirant. Avec ouais. peut-être La Cité de la Peur et Alain Chabat et Gérard Darmon, mais bon. On a oublié de parler de La Cité de la Peur avec, avec Jean-Charles Mbotiamolo, qui adore le film, en tout cas qui a été, c'est très drôle ce qu'il raconte aussi sur le film. Francis. Oui, alors c'est drôle que tu parles de Philippe Découfflé parce qu'il m'est pas venu, mais il m'est venu à travers quelque chose que j'ai mentionné. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre parce que quand on veut avoir un projet de film d'animation qui s'appelle Vive comme on danse, j'étais devant une feuille blanche, quoi. J'avais pas de nom de chorégraphe, j'avais pas de danse. Alors j'avais des images, effectivement, dans des films d'animation ou live, des clips, des bandes dessinées. Et puis finalement, en réfléchissant d'un seul coup, ce qui m'est venu, en fait, c'est le travail de la danse classique. Représenter au cinéma à la fois l'exigence, la souffrance, cette force de travail, et je me suis dit, mais c'est en fait c'est dans deux films, deux documentaires que j'ai ça, et de manière très différente parce que un n'est que sur ça et l'autre est entre autres sur ça. C'est évidemment la danse de Frédéric Wiseman sur l'Opéra de Paris, et puis c'est le film de Jean-Stéphane Bron, l'Opéra, où Jean-Stéphane, lui, s'intéresse aussi à la partie musicale, les chanteurs, mais il y a aussi notamment une scène qui filme depuis les coulisses d'une danseuse sur la scène, et on voit sur scène et en coulisses les allers-retours, et c'est absolument saisissant en termes de souffrance. Et c'est pour ça que je me dis Découfflé, c'est drôle, parce qu'évidemment, après, pensant à Frédéric Wiseman, je pense à un autre endroit d'exigence, de danse, où pourtant on est lassif, mais on va chorégraphier à l'extrême, et on va redécouper les corps, bien évidemment. Donc c'est le Crazy Horse, évidemment, de Wiseman. Et à cette époque-là où il a tourné au Crazy Horse, c'était une chorégraphie de Philippe Découfflé. Voilà. Et puis, parce que ça, je savais je ne pouvais pas en faire l'économie venant dans l'émission d'Alexis Huneau. C'est donc forcément cette scène incroyable dans le Ex Machina d'Alex Garland, qui rend jaloux un homme quand il voit un autre homme danser, quand on voit Jean-Charles, bien sûr, mais quand on voit Oscar Isaac, alors que nos yeux devraient être rivés sur la splendide Sonaya Mizuno, danser avec une énergie, un sens de la figure, une élégance sur le Get Down Saturday Night, d'Olivier Chatham, c'est quand même un grand moment de bonheur. Et donc cette scène existe en boucle parce que le morceau d'Olivier Chatham fait 8 minutes. Vous pouvez la trouver en boucle sur YouTube et c'est quand même le plus grand moment du monde. Un objet, Francis. Ah bah ça va te faire plaisir parce qu'en même temps ça répond à une autre question. Parce qu'un objet, finalement, je me suis dit, bon, je viens dans l'émission d'Alexino, j'ai aucune idée. Mais finalement, qu'est-ce qui pourrait me caractériser auprès d'Alexino? Ben évidemment, c'est un shaker qui est indispensable pour faire un jean frappé. Il m'en arrive même d'en offrir à ceux qui n'en ont pas quand je dois officier l'élaboration du jean. Invitez-le, il fait des jeans à tenir absolument incroyables. Un objet, Nicolas, je te laisse le dire. J'ai dit un flacon pour faire des bulles de savon parce que je trouve ça sympathique et mignon. Et puis les bulles, c'est joli et poétique. Un image et une photo à Francis, parce qu'il a dit, Francis, toi, une image, une photo. Quand Jean-Charles en parlait tout à l'heure, évidemment, ces images reviennent tout de suite parce qu'elles sont tellement bonnes. Mais j'avais pas d'image autant sur la peinture. Ça avait été, une image beaux-arts entre guillemets. Ça avait été rapide. Et en fait, j'ai fini par me dire que peut-être que c'est en lisant les entretiens avec Jean-Gabriel Perriot aussi, ça m'a pas influencé, mais ça m'est à faire penser. C'est toutes ces images, mais alors là, pris comme un corpus global de la violence policière durant les manifestations contre la loi travail, les foules nassées, les visages ensanglantés, les gaz lacrymaux, et finalement tout ce que j'appellerais ce reflet d'une violence d'État qui vient criminaliser celles et ceux qui se battent pour des droits rudement acquis, parce qu'on sait très bien que ces droits sociaux n'ont pas été donnés, mais acquis. Nicolas, toi, alors moi... t'as pris... Ouais, t'as fait deux choses, t'as pris une peinture quand même. Oui, c'est ça, et une image. Et une image, on va dire l'image, c'était les puits de pétrole enflammés au Koweït par Sebastião Salgado, qui est l'une de ses images les plus célèbres, mais qui est toujours extrêmement impressionnante et imposante. Très esthétisante aussi, mais vraiment, en fait, ça nous ramène encore plus et ça frappe encore plus. Je pense que c'est une vraie claque de voir en exposition aussi, plutôt que sur Internet. Je trouve que la force de la... Les deux, Même déjà sur Internet, ça joue, surtout quand l'image est de très bonne qualité, évidemment aussi. Mais en exposition, c'est vrai que ça frappe et ça reste, en fait. C'est vraiment... c'est quelque chose qui reste. Donc ça, c'est le côté... Et puis, il y a le côté toujours surréaliste et un peu délirant de Nicolatis. Et aussi assez effrayant, je trouve. C'est-à-dire que pour moi, ça, c'est plutôt une image... C'était Les éléphants de Salvador Dali, qui est une peinture que j'avais vue quand j'étais petit et qui m'a... un peu scotché, effrayé, terrorisé avec ces deux éléphants avec des pattes très fines qui sont d'un côté et d'autre, et l'image qui est quand même très minimaliste au-delà de ces deux les éléphants qui sont à droite et à gauche. Voilà. On continue dans le délire, enfin en tout cas dans l'absurde qu'on peut avoir. Un jour, moment de l'année, Nicolas ? Je ne sais pas quoi dire du tout, donc j'ai choisi le 30 février. Pas mal. Pas mal. C'est plutôt, voilà. Francis. En fait, je ne savais pas quoi dire non plus. J'avais beau réfléchir, des moments importants, est-ce que c'est Noël, tout ça, ou en tout cas la préparation des cadeaux. Puis après, je me suis dit, non, mais alors, je ne sais pas, ça doit être l'influence bulle de rêve, quoi. En fait, je me suis dit que c'est le week-end avant d'arriver à Annecy. Avant que le festival débute. Pour toi, qui est vraiment à un moment donné. Oui, parce qu'en fait, j'arrive généralement le vendredi. Quand je peux, et donc le festival commence le lundi, même si le dimanche on va chercher son accréditation et tout le monde est là. Mais voilà, c'est ce moment-là parce que j'ai envie de dire que c'est un vrai moment de vacances, quoi, d'un seul coup. Et puis voilà, et puis après Annecy, je l'ai mis dans la ville parce que de toute façon ça a été un moment fort de découvrir cette ville, de s'asseoir face au lac, à la montagne, en ouvrant son catalogue alors qu'on espérait y venir depuis des années. Donc voilà quoi. Donc une ville, Annecy. Et après j'ai pris, comme il y avait aussi un village, j'ai pensé à quelque chose qu'il avait encore plus personnel, plus loin dans le temps quand j'étais enfant. C'est un petit village dans le Vercors qui s'appelle La Balme de Rancurel. Et c'est là où ça a été mes premières vacances à la montagne avec mes parents, dans une petite auberge, et un village où il y avait peut-être une quinzaine de maisons, quoi. Et puis voilà, c'est la découverte du ski de fond, c'est la découverte de la montagne, c'est la découverte de comprendre que quand on repart et qu'on est triste dans la voiture, en fait, c'est parce que la petite fille de l'hôtelière nous manque et qu'on l'avait pas compris. Donc, voilà, la Balme de Rancurel. Une ville, évidemment, on continue à toujours... c'est ça non, qui est intéressant, c'est juste que Nicolas, Je savais pas du tout quoi mettre aussi, encore, j'avais beaucoup d'hésitations, etc. Donc finalement, je me suis tourné vers la littérature et j'ai choisi Foedora, qui est l'une des villes invisibles d'Italo Calvino. Donc, en plus, elle est réelle, puisque même si elle est invisible, elle peut toujours exister quand même. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont invisibles qu'elles n'existent pas. C'est ça, voilà. Et donc, c'est dans toutes ces parties sur les villes et le désir, notamment. Et Foedora, c'est, comme il le dit, donc j'ai un peu la citation en pire. Au centre de Foedora, métropole de pierre grise, il y a un palais de métal avec une boule de verre dans chaque salle. Si l'on regarde dans ces boules, on y voit chaque fois une ville bleue qui est la maquette d'une autre Foedora. Ce sont les formes que la ville aurait pu prendre si, pour une raison ou une autre, elle n'était devenue telle qu'aujourd'hui nous la voyons. À chaque époque, il y eut quelqu'un pour, regardant Foedora comme elle était alors, imaginer comment en faire la ville idéale. Mais alors même qu'il en construisait en miniature la maquette, déjà Foedora n'était plus ce qu'elle était au début, et ce qui avait été jusqu'à la veille l'un de ses avenirs possibles n'était plus désormais qu'un jouet dans une boule de verre. Voilà. Donc Italo Calvino, je vais tricher puisque là je vais demander à Nicolas, je le sais, parce que aux deux Nicolas, puisqu'on va faire une petite pause musicale et on va prendre le morceau de musique. Alors Nicolas m'a donné deux propositions, m'a dit si tu veux de la musique seule, et je me suis dit, c'était trop évident, ça ressemblait trop, en tout cas moi, dans ce que je connais un peu Nicolas, je me disais voilà, il avait choisi René Aubry Après la pluie, et je me suis dit que non. Si vous voulez du chant, et en fait, l'autre m'a plus surprise, c'est-à-dire René Aubry, Nicolatis, ça paraisait presque une évidence, entre guillemets, toujours la même chose. Le côté minimaliste. Le côté, un petit peu. Ouais, mais en fait, en même temps, j'ai beaucoup écouté René Aubry avant. J'aime beaucoup, notamment sa musique de film, bien plus que les films qu'il met en musique. Et en fait, me suis aperçu il y a deux jours, et c'est pour ça que j'ai pensé à ça aussi, à René Aubry, que c'est lui qui faisait la musique du film d'animation de Lorenzo Mattotti, Les ours en Sicile. D'accord. L'invasion des ours en Sicile. Parce qu'il a déjà effectivement bossé avec Mattotti qui faisait ses pochettes d'albums. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais j'étais beaucoup plus surpris, enfin en tout cas surpris, c'est toujours ça, par donc le choix qu'on va écouter. Je te demande vite un petit mot sur ce choix-là, ou tu veux qu'on l'écoute d'abord ? On peut l'écouter d'abord. Alors, Nicolas, donc on va écouter le morceau 8. Ce sera la surprise pour... talk. Say you're happy and you're doing fine. Well, go ahead, baby, I got plenty of time. Bigger say. Steady. Ain't gonna move till you're good and ready. You show up and then you shy away, but I know pretty soon you'll be walking this way. Big as say. Never be mine. Well, that's okay, baby, I don't mind. A shy smile, sweet, that's a fact. Go ahead, I don't mind the act. Here you come all dressed up for a date. Well, one more step and it'll be too late. Blue, blue ribbon in your hair. You're so sure I'll be standing here. I guess sailors never lie. I guess sailors never lie. I guess sailors never lie. Springsteen, donc bulle de rêve, hein, toujours l'émission 100% animation, au cas où voilà, on est en train de faire un questionnaire pour mieux connaître, en tout cas connaître de manière un peu différente, des chroniqueurs, hein, qui sont assez régulièrement à bulle de rêve, Francis Gavet et Nicolas Tiss. Et Bruce Springsteen, Sad Eye, c'était un choix de Nicolas. Ouais, bah, en même temps, comme je disais un peu hors antenne, je ne suis pourtant pas un énorme fan de Bruce Springsteen, même si j'aime bien, mais cette chanson-là, je l'ai toujours trouvée absolument magnifique, et donc voilà, je crois que j'avais dû l'entendre un jour en passant par hasard devant une série ou un film que j'avais complètement oublié, mais la chanson est restée par contre, et non, c'est quelque chose que j'aime énormément, et c'est vrai que sa voix, tout ce qui est musical derrière aussi, vraiment, vraiment très très beau. Donc, c'est tout. Un album? Et Francis, je te demanderai l'album, pas la chanson, hein, la chanson, je te la demanderai à la fin qu'on écoutera. Donc un album. J'en ai choisi 12 des chansons. Alors en fait, l'album, c'est pas vraiment un album. J'avais choisi, alors déjà au niveau du nom, c'était. Push Barman to Open Old Wounds. Voilà, de Belle and Sébastien. En fait, c'est un triple album, si on veut, qui regroupe leurs EP. Et comme j'aime beaucoup tout ce qu'ils ont fait dans leurs EP, notamment This Is Just a Modern Rock Song et quelques autres titres comme ça, c'est pour ça que j'ai aussi choisi cela, que j'aime énormément. Et donc là, comme tu disais, c'est vrai qu'il y a peut-être un côté un peu minimaliste, un peu lent, très calme. Mais j'aime bien tout ce qui est folk aussi, et donc un petit peu ce côté-là. Voilà. Francis, ça devait être dur un album. Ça a été, dur. Alors je vais citer tous ceux sur lesquels je me suis dit. Ou encore, ça pourrait être ça. Donc il y a, évidemment, il y a le Pays sauvage d'Émilie Loiseau. Que des albums qu'on comptait, quoi. Il y avait le Tristesse de Michel Jonas. Après, je me suis dit, mais il y a Peter Gabriel à un moment. Donc il y a aussi bien Sceaux que Passion, la BO pour La Dernière Tentation du Christ, parce que c'est ce qui m'a ouvert peut-être très bêtement à la world music, quoi. Et puis un truc récent, bah évidemment, il y a un album absolument incontournable, magnifique, c'est le film de Philippe Catherine. Et puis je me suis dit, si je dois comme ça un truc qui symbolise quelque chose, bah finalement c'est ce que j'ai découvert, la première chose que j'ai découvert, parce que j'ai eu la chance pendant 4 ans d'avoir au collège un super prof de musique que je retrouvais une heure par semaine, et les 4 ans j'ai eu le même. Donc on découvrait la musique classique surtout, principalement, et puis on apprenait des chansons, tout ça. Mais voilà, c'est un homme qui m'a ouvert à la musique, et finalement la première chose qui m'a fait découvrir, bah c'est le triple concerto de Beethoven, qui était une œuvre que je connaissais pas. À la maison, il y avait les symphonies, il y avait les concertos, mais pas le triple concerto. Et dans la version avec Geza Honda au piano, Wolfgang Schneiderham au violon et Pierre Fournier au violoncelle. Et c'est absolument, ça n'a pas pris une ride, alors que ça date l'enregistrement de 1960. C'est bien de découvrir ce côté un peu plus musique classique, on te connaît évidemment, hein, dans l'émission. Mais je n'ai pas dit, c'était pas du tout une critique, bien évidemment. Eh ben, puisque t'as la parole, partons sur quelque chose qui n'a rien à voir. Allez, un fait historique politique. Un fait historique politique, ben ça revient. J'ai, sur le coup, je l'avais mis en une personne, un personnage qui te fascine. Et puis en fait, j'ai changé, je l'ai décalé. Et ça va finalement avec une image. Et j'ai envie de dire qu'en ces temps de démantèlement du droit du travail, de la sécurité sociale et des retraites, le nom qui me vient, c'est Ambroise Croizat, le ministre communiste donc du travail, qui a instauré la sécurité sociale, le système des retraites, ou encore la réglementation, la fameuse réglementation qu'on remet en cause des heures supplémentaires, dans la France exsangue, pardon, de l'après deuxième guerre mondiale, où la crise n'était pas une construction économique dogmatique pour maintenir les politiques néolibérales de récession. Ça, je l'ai écrit noir sur blanc. J'imagine bien. Alors l'optimisme évidemment de Nicolas Tisse, un fait historique politique, c'est la fin du monde. Mais t'as raison. Je savais pas du tout quoi mettre non plus, évidemment, comme on dit toujours que l'histoire est en perpétuel recommencement, etc., etc. Je me suis dit, au moins celui-là sera important puisqu'il ne se répétera jamais. Voilà. Allez, t'as la parole, puisqu'on parle d'optimisme ou de pessimisme, je sais pas, un peintre. Une peintre, quelqu'un des beaux-arts. Ça, c'est très optimiste. C'est Roland Topor, justement. La fin est moins optimiste de Topor. C'est pour ça oui. Mais bon, même son travail, d'ailleurs, n'est pas forcément le plus optimiste. Mais bon, il y a quand même qu'un côté un peu sarcastique et très amusant et toujours dans un humour extrêmement noir. Topor, tu nous l'as dit, c'est tout. C'est à la fois Téléchat, c'est à la fois. Enfin, c'est vraiment Mais Topor, c'est même tout de manière générale. C'est-à-dire qu'il a fait de la peinture, il a fait de la caricature, il a fait donc du dessin de presse. Mais il a fait aussi des romans, des nouvelles, des choses comme ça. Donc en fait, il a vraiment tout fait, et c'est vrai que pour moi, c'est l'artiste complet, parfait, par excellence à placer, voilà. Donc et c'était les chats, et c'est évidemment. Ouais, il y a tout, c'est à la fois, en effet, cette espèce d'absurde et il y a de l'animation, force, évidemment, et la planète sauvage, on le dira plus en passant, les escargots et les escargots aussi, c'est vrai, tout son travail avec la loup. Francis, alors moi, c'est une gravure sur bois en noir et blanc qui représente une femme allongée nue sur un sofa, regard et bras tendus vers un chat avec lequel elle joue négligemment pour tromper l'ennui. Il y a peut-être en sous-texte un dessin aux lignes simples et puis au tissu nourri de motifs orientaux, d'une passion peut-être qui se délite, ou au contraire d'une ode à la paresse dans l'attente de l'amant. Donc c'est la paresse de Félix Vallaud. Quelque chose qu'on a en commun, c'est pas la seule, mais en effet, superbe. Qu'est-ce que je pourrais vous demander après? Bien sûr, le tatouage que tu aimerais avoir. Nicolas. Non, Francis. Excuse-moi. En fait, là, c'est une question à laquelle, pour l'instant, j'ai répondu, a priori, non, pas de tatouage. Même dans un délire, même dans un... Non, non, pour l'instant, c'est pas un délire qui me vient. C'est pas... j'en ai vu de très beaux, et pas uniquement ceux d'Alexis Huneau. Non, pour l'instant, c'est vrai. Voilà, ça a été ma réponse. Ça, c'était assez spontané. Et Nicolas? Alors moi, j'ai mis le petit prince sur son astéroïde. En le même petit temps, prince sur son astéroïde, voilà. Je répète. Qui est pas évidemment celui du film. C'est dommage, je trouve que tu exagères. Non. Mais non, c'est juste aussi un hommage par rapport juste au livre et au dessin que je trouve absolument parfait. Mais comme j'ai choisi un autre livre, donc je me suis dit que j'allais le mettre dans les tatouages. T'as choisi le petit prince, en fait. Non. Alors justement, vas-y, continue. Un livre de fiction. Tu as dit non, vas-y Nicolas. Moi, alors moi j'ai choisi un des livres qui est peut-être l'un des plus beaux livres du XXe siècle, mais qui est pas très connu, qui est Lumière du monde d'Aldor Laxness. Alors déjà, Aldor Laxness, il y a peu de gens qui le connaissent encore aujourd'hui, malheureusement, alors que c'est probablement l'un des plus grands écrivains du XXe siècle. C'est un écrivain islandais qui a eu le seul à avoir eu obtenu d'ailleurs le prix Nobel de littérature en 55, qui a un parcours assez particulier puisqu'il se convertit quand assez jeune au catholicisme par rejet envers le protestantisme ambiant, qui ensuite découvre le surréalisme en France et qui part aux États-Unis et qui... connaît un peu Upton Sinclair, que vous connaissez probablement ici aussi. C'est un écrivain qui est plus connu pour son roman Oil, qui a été adapté pour donner There Will Be Blood au cinéma, et pour un livre qui s'appelle La Jungle, qui est un énorme ouvrage sur les conditions de vie absolument exécrables des ouvriers migrants aux États-Unis au début du XXe siècle. Et donc, il se convertit au communisme avant de rentrer en Islande et d'écrire des romans qui sont beaucoup plus traditionnalistes. Et donc, finalement, qui a une vie assez mouvementée et qui a beaucoup voyagé et qui a écrit des ouvrages assez fabuleux. Et toujours avec un ton un peu picaresque et Lumière du monde, je pense que c'est peut-être un livre qui est son chef-d'œuvre entre tous, qui est vraiment très dense, très lourd, très dur. C'est un livre qui se mérite aussi, qu'on a sûrement envie d'abandonner plusieurs fois en le lisant, et qui est assez étrange, justement, parce que ça parle vraiment d'un petit garçon qui naît dans un petit village complètement perdu au milieu de l'Islande et qui n'a rien, qui est battu par ses parents, qui est envoyé dans une espèce d'orphelinat, dans une église, qui découvre un livre, qui se prend de passion pour ce livre, qu'il n'arrive même pas à lire, qui est écrit dans des caractères gothiques, mais voilà, et qui veut écrire lui-même, mais à qui on interdit d'écrire en plus, qui doit revenir dans sa famille, mais qui on veut libérer sa chambre, et donc on le jette un petit peu à l'extérieur, qui va découvrir le monde, et qui veut devenir poète, et qui a toute cette poésie qui brûle en lui, et qui n'a d'ambition que de devenir justement poète, qui va rencontrer des gens, qui va devenir instituteur, qui va être remis comme un rebut, remis sur les roues du monde, et qui va écrire des choses justement absolument fabuleuses. Et c'est un roman qui a un humour encore un petit peu noir par moment, mais qui est extrêmement difficile, extrêmement dur, pas difficile à lire, mais extrêmement dur, extrêmement violent en même temps, qui est très sombre, mais qui en même temps a un côté un peu, justement, un certain type d'humour, mais qui est vraiment absolument magnifique. Donc voilà. La Lumière du monde d'Aldor Laxness. Francis, un livre de fiction? Je peux répondre aux deux, la fiction, non-fiction. Je réponds à tout parce qu'en fait, je me suis dit que j'avais pas de livre en particulier. Donc, par exemple, un livre dans lequel je reviendrai régulièrement. Juste pour vous dire, il nous reste 5 minutes pour pouvoir passer ton morceau. Il y a des auteurs, quoi. Tchekhov, Mélisse de Carancal, Dorothy Parker, Marie Desplechin. Donc voilà, ou après il y a surtout des choses dont j'aime me rappeler, des citations en les notant soit sur des bouts de papier, soit en gardant le repère dans le livre. Alors comme ça je vais aller vite, je donnerai donc juste cette citation de Charles Bukowski dans Hollywood, hein, parce que de toute façon je m'en suis déjà servi pour un compte-rendu d'Annecy. Les gens qui vont voir un film se sentent agressés ou insultés par pratiquement tout, alors que les gens qui lisent des romans ou des nouvelles aiment être agressés ou insultés. Le non-fiction qui a l'air d'être un livre absolument étonnant, Godel, Escher et Bach, Les Prins d'une guirlande éternelle. Et donc, un livre qui tisse les liens. Oui, justement, il les tisse. Oui, non, mais disons que c'est pareil, c'est un peu comme pour tout le reste. J'avoue que je ne savais pas exactement quoi mettre parce que j'aurais eu des dizaines de choses à mettre, mais j'ai choisi celui-là parce que c'est un ouvrage, là aussi, très imposant, qui doit faire 800 pages, qui est pas évident à lire, mais qui est vraiment, vraiment, vraiment magnifique, qui a gagné un prix Pulitzer de l'essai en 80, et qui a un livre de vulgarisation scientifique, notamment, mais qui s'amuse à tresser des liens, justement, comme tu disais, entre Gödel, qui est un logicien, je vais pas rentrer dans les détails, mais surtout qu'il en parle très bien dans le livre, à la limite, il faut le lire. Escher, qui est donc l'artiste que tout le monde connaît un petit peu, mais qui est justement très lié aux mathématiques, encore, qui a une conception du monde qui est assez mathématique et autour des aberrations, notamment. Et Bach. Et en fait, donc, c'est vraiment... Et l'auteur, donc Richard Hofstadter, c'est quelqu'un qui est aussi assez particulier, qui a écrit pas mal d'ouvrages dont... Il n'y en a pas beaucoup qui ont été traduits en français, à part celui-là, justement, qui est quand même extrêmement important. Et en fait, il a aussi écrit un autre ouvrage qui est très très bien, qui est sorti il y a vraiment pas, qui a été traduit il y a pas très longtemps en français, qui s'appelle Je suis une boucle étrange, et qui parle des neurosciences et autour du thème de la boucle. Mais voilà, bon, j'ai pas le temps d'en parler de toute façon. Bah non. Mais en tout cas, on a très, donc c'est intéressant. Voilà. Alors on va aller un peu vite sur les derniers, comme ça on va prendre un peu plus de temps, juste rapidement sur le personnage. Nourriture, boisson pour Nicolas, un plat de pâtes de Checo. Je suis un peu snob à ce niveau-là, c'est-à-dire que pas pour grand-chose, mais pour les pâtes, j'adore les Decheco. Et c'est très important. En fait, moi, j'avais une série d'aliments fétiches comme ça, des parfums, donc la mangue, la menthe, le coriandre, le safran, la truffe, le yuzu et le kumquat. Et puis, comme je venais, qu'il fallait absolument que je mette une boisson, parce que sinon, je me serais fait engueuler. Donc, évidemment, j'ai mis le gin. Alors, donc, je vous conseille donc soit le sort gin qui, outre des belles genièvres, est à base de moût de raisin, qui est à boire juste frappé, et sinon donc le gin tonic, hein, une dose de Fever Tree, un gin un peu basique mais de qualité, type Green Hall, et ça ira très bien dans le shaker. Un vêtement pour Nicolas, je le dis, c'est une paire de Doc Martens, ça compte évidemment, bien évidemment. Donc sinon il y avait la robe ballon de Victoria Abril, mais non, elle est merveilleuse. Mais on garde quand même la paire de Doc Martens rapidement. Tu mettras moins souvent la robe peut-être. Francis, le vêtement. Eh ben en fait, comme on est dans une émission de cinéma, j'ai pensé à des vêtements qui symbolisent un peu une appartenance à une classe sociale, donc un sweat capuche et un smoking. Et j'aurais presque envie de dire justement que c'est un peu une métaphore du monde du cinéma qui est aussi magnifiquement de l'un à l'autre dans son intenable grand écart à la fois entre humanisme et élitiste dans ses inspirations de comportement. Une partie de ton corps. J'ai mis les yeux. Parce que ça permet de voir et que à une époque j'ai fait une occlusion veineuse à l'œil droit et je me suis dit je vais être aveugle. C'est quelque chose qui est l'angoisse. En tout cas c'est quelque chose. Et puis quand on s'intéresse au cinéma d'un seul coup effectivement je me dis que c'est compliqué après de voir des films même s'il existe des versions effectivement pour les aveugles. Et attention, le mot que je ne connaissais pas, une partie de ton corps. Alors, je ne savais pas du tout quoi dire, j'ai hésité beaucoup, et en fait, il y a un mot dont j'aime beaucoup la sonorité, donc j'ai mis celui-là simplement, ce sont les fausses poplités. Donc, qui sont en fait communément appelés, c'est Wikipédia, mais le jarret. Donc voilà, c'est derrière le genou. On finit par une évidence, en fait, quand tu l'as mis à moi, un personnage que j'adore, Nicolas, un personnage qui te fascine, et quand j'ai lu, j'ai dit, mais oui, je sais pas pourquoi, ça me paraissait évident que voilà, je te voyais bien dans ce personnage-là. C'est le personnage de mon enfance, complètement, c'est Gaston Lagaffe. Et je te voyais bien, Gaston Lagaffe. Ah ouais, moi aussi. Parfait, parfait. Francis. Bah, ça va te faire plaisir. En fait, moi, j'ai mis plein d'actrices dans les films. Nicole Kidman, Lola Creton, Jong Soo-hyun, ou donc Kristen Stewart. C'est la dernière. Et, Burning. Ouais, c'est dans Burning. Mais sans oublier, et je le dis très, très sincèrement, la même fascination pour des actrices, pour une actrice à laquelle on s'attendrait pas, qui est Madame Tutliputli, dans le court-métrage du même nom. Ouais. Donc, qui est ce personnage en marionnette, hein, absolument. Et ce qui est incroyable, troublant, donc, quand on en parle avec ses réalisateurs, c'est qu'en fait, ils ont travaillé avant avec une comédienne pour avoir toutes les expressions des yeux, et ils ont travaillé avec cette comédienne avec un principe de fond vert, et en fait, ensuite, ils ont intégré toutes les expressions des yeux que la comédienne avait données dans la marionnette, quoi. Et tu as 20 secondes, et pour lancer 3 minutes 30 à vraiment, quel morceau, donc, Desperado. Et, voilà qui fera évidemment le générique de fin. Francis, et je vous remercie déjà tous les deux, Nicolas, bien sûr, et Jean-Charles d'être venu. Je te laisse finir l'émission. Eh ben, en fait, donc, Desperado du groupe The Eagles. Je sais que c'est souvent mal vu d'aimer les Eagles parce que on dit oui, c'est un groupe à succès, machin, Hotel California. Mais avant Hotel California, il y a eu plein de choses, et notamment, donc, cet album de 1973, ce qui prolonge effectivement l'histoire du continent américain avec Springsteen. Là, c'est un album concept, c'était considéré comme tel. Donc, l'album s'appelle Desperado, sur les hors-la-loi de l'Ouest, et l'affiche de la pochette, en fait, c'est un groupe de chasseurs de têtes, et puis par terre, les membres du groupe, en fait, qui sont enchaînés, ligotés, qui viennent d'être tués, qui sont les hors-la-loi qu'on a récupérés. Et donc, il y avait cette chanson Desperado de Eagles, qui est une balade au piano. Et l'anecdote, c'est qu'en fait, un jour, j'ai voulu avoir un groupe de rock. Et comme on était que deux, le chanteur et le pianiste, on a dit si on commençait par jouer Desperado. Donc on a joué cette très belle balade, ici bien mieux chantée que moi par Don Henley, le batteur du groupe, et magnifiquement orchestrée par Jim Headorman pour les cordes. C'était Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste 89.4. desperado. Why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you got your reasons. These things that are pleasing you can hurt you somehow. Don't you draw the queen of diamonds, boy. She'll beat you if she's able. You know the queen of hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the ones that you can't get. Desperado, oh, you ain't getting no younger. Your pain and your hunger, they're driving you home. And freedom, oh, freedom, well, that's just some people talking. Your prison is one world all alone. Don't your feet get cold in the wintertime? The sky won't snow and the sun won't shine. It's hard to tell the nighttime from the day. You're losing all your highs and lows. Ain't it funny? It may be raining, but there's a rain.